beau monde, tu trouves piment trop fort. Soleil voit ton corps, ou fais trop le malin, ou mange plus la faim. À table ou boîte de vin, ou mange pas de sans pain. Tu refais le soleil, ton corps n'est pas pareil. Ton sang l'est mélangé, tu connais plus danser. Ton cheveu l'est dressé, ton tête l'est bien peignée. Tu es bien maquillée, ton peau l'a pas changé. Tu refais le soleil, ton corps n'est pas pareil. Ton sang l'est mélangé, tu connais plus danser. Ton cheveu l'est dressé, ton tête l'est bien peignée. Tu es bien maquillée, ton peau l'a pas changé. Aller au boulot, ici à La Réunion, le monde n'est pas couillon. Tu fais l'intéressant, tu crois ton pôle est blanc. Tu refais le soleil, ton corps n'est pas pareil. Ton sang l'est mélangé, tu connais bien danser. Ton cheveu l'est dressé, ton tête l'est bien pliée. Tu es bien maquillé, ton pôle n'a pas changé. Tu refais le soleil, ton corps n'est pas pareil. Ton sang l'est mélangé, tu connais bien danser. Ton cheveu est dressé, ton tête est bien pliée, tu es bien maquillée, ton pôle n'a pas changé. Tu refais les oreilles, ton corps n'est pas pareil, ton sang est mélangé, tu connais plus danser, ton cheveu est dressé. Ton tête est bien peignée, tu es bien maquillée, ton pôle n'a pas changé. Tu refais les oreilles, ton corps n'est pas pareil, ton sang est mélangé, tu connais bien danser. Ton cheveu est dressé, ton tête est bien peignée, tu es bien maquillée, ton pôle n'a pas changé. Tu refais les oreilles, ton corps n'est pas pareil, ton sang est mélangé, tu connais bien danser. Ton cheveu est dressé, ton tête est bien peignée. Tu es bien maquillée, ton peau n'a pas changé. Tu refais les oreilles, ton corps n'est pas pareil. Ton sang est mélangé, tu connais bien danser. Ton cheveu est... Banala di mi wa bebet dans la ramine trois bazin. Banala di mon en a grosse tête comme il reste dans le chemin. Tous les samedis soir, mais ça va la casse du basis. Pour pas son pauvre ami, viens voir rose avec la mandole. Banala di mi wa bébête dans la ravine trois bassins. Banala di mon en a grosse tête comme il reste dans le chemin. Tous les samedis soir, mi ça va la casse du badis. Pour moi, cause avec rose, il faut son froid gagne des trois doses. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, si moi en a grosse tête. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi si m'y tombe dans le chemin. J'ai le bon d'aviron, moi m'y danse, moi m'y danse. J'ai le bon d'aviron, moi m'y danse quand moi les ronds. J'ai le bon d'aviron, moi m'y danse, moi m'y danse. J'ai le bon d'aviron, moi m'y danse quand moi les ronds. Banal a dit quand moi les joues, m'y dors dans la boue. Banal a dit quand moi les ronds, m'y marche en caleçon. Tous les samedis soir, m'y ça va la cage du badis. Pour grimper pas senti, m'y vide des doses dans le congoudi. Banal a dit quand moi les joues, m'y dors dans la boue. Banal a dit quand moi les ronds, m'y marche en caleçon. Tous les samedis soir, m'y quitte à la case du badis. M'y lave mon zézé avec la tremble dans moi la peur. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, si moi n'en a goûté. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, si m'y tombe dans le chemin. Laisse-moi. Laisse aller. Bienveillée apparemment, bonjour Isabelle. Bonjour Mickaël. Bonjour Isa, bonjour La Réunion, bonjour tout le monde. Ça y est, on est le 16 août, comme oui. Un air de rentrée hein, quand même. Hein. Eh, oui. Oui. J-1 avant la rentrée. Exactement. Déjà. Et il est 5h sur la première, c'est l'heure du journal. Le journal de la rédaction présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Ils sont 16 000 enseignants à reprendre ce matin le chemin de l'école. Les élèves, eux, y retourneront demain. En attendant, certains ont profité du lundi férié pour les achats de dernière minute. Reportage dans ce journal. Hier 15 août, c'était donc la fête de l'Assomption. Les catholiques ont rendu grâce à la Vierge Marie. Près de 7 000 fidèles se sont réunis sur le champ de foire de Piton-Sainte-Rose. Et puis en sport, déception pour Marine Boyer aux Jeux Olympiques. La Réunionnaise termine 4e en finale de la poutre. On reviendra aussi sur la victoire de Franck Parmentier hier en cyclisme. Le Saint-Louisien s'est imposé dans l'Est à Sainte-Anne. 224 350, c'est le nombre d'enfants qui feront leur rentrée demain mercredi, une rentrée scolaire marquée notamment par l'application de la réforme des collèges. Fini donc les vacances pour les collégiens, les lycéens et bien sûr les écoliers. Les enseignants, eux, reprennent ce matin. Antoine Garnier. Les quelques 16 000 enseignants du département reprennent le chemin de l'école ce matin. Ils seront accompagnés par les 2066 membres de l'encadrement, personnel administratif et technique, travailleurs sociaux et personnel de santé qui travaillent toute l'année à leur côté. Comme d'habitude, la rentrée des élèves aura lieu le lendemain, mercredi donc. Les 24 communes de Lille sont désormais sur le même rythme scolaire puisque Saint-André, Saint-Denis et Sainte-Suzanne ont fait le choix de faire travailler les élèves le mercredi matin au lieu du samedi. Des élèves un tout petit peu moins nombreux cette année, l'Académie dénombre 224 350 écoliers, collégiens et lycéens pour l'année scolaire 2016-2017. C'est 143 de moins que l'an dernier. Ces élèves sont répartis dans les 654 établissements que compte la Réunion, près de 203 000 dans le public, contre un peu plus de 17 000 dans les établissements privés sous contrat. Et attention, cette rentrée 2016 est décalée dans certains établissements à cause de travaux de rénovation, notamment à Saint-Benoît, à l'école Denise Salahi. La rentrée est prévue vendredi. Dans l'Ouest, au lycée Jean Inglot du Port et Évariste de Pargny à Saint-Paul, la rentrée est reportée à lundi prochain pour les enseignants, le lendemain pour les élèves. Certains élèves ont donc encore un peu de temps, notamment pour les achats de dernière minute. Les autres, ceux qui rentrent demain, ont profité du lundi férié pour compléter leur liste d'effets scolaires et les grandes surfaces avaient flairé la bonne affaire. Elles étaient pour la plupart ouvertes hier. Daniel D'Ambreville. À l'entrée du supermarché, dans la grille de l'accueil, Nadège, chef de caisse, est tout sourire pour les clients. Ouais, ça a été calme jusqu'à environ 11h, mais là, ça commence à bouger un petit peu. Devant les caisses, des files de caddies. Habituellement, le magasin est fermé le lundi matin, mais en ce 15 août, veille de rentrée scolaire, il est ouvert. Une opportunité qu'ont saisi nombre de consommateurs. J'ai plus rien dans le frigo, donc juste avant de reprendre la semaine, je fais le plein. Et donc que ce soit un jour férié, magasin ouvert, ça arrange. Tout à fait, on en profite. Il faut manger tout le temps, hein. C'est bien que ça soit ouvert. Sur le tapis des caisses, principalement des produits alimentaires, l'heure n'est plus aux achats d'effets scolaires. Ce que confirme Élisène, 21 ans de caisse. Ah, c'est fini, les gens, ils ont déjà fini. C'est fini, voilà. C'était quand le grush ? Ben, c'était une ou deux semaines après les vacances. Dans les rayons de cahiers et de stylos bien garnis, on croise toutefois quelques retardataires. Il manquait des trieurs et des pochettes. Parce que j'y ai pas pensé plus tôt, que j'avais pas le temps avant. Les achats de dernière minute, je regarde un peu les prix des cahiers de texte, des blocs-notes pour moi, et des livres. Mais pourquoi aujourd'hui ? C'est l'occasion parce que c'est ouvert, mais je veux dire, pour un 15 août, on aurait pu éviter. On aurait pu très bien faire demain, mais pas aujourd'hui. Faire les courses le 15 août aura au moins fait un heureux Alan. Dans ses mains, un cartable flambant neuf. Toutes les couleurs, l'arc-en-ciel. Toi qui as choisi ? Oui. Et nous reviendrons évidemment sur la rentrée scolaire avec l'invité de la matinale, le premier de la saison. Aujourd'hui, Philippe Dornier reçoit Marie-Hélène Dor, co-secrétaire départementale de la FSU. Au menu, la réforme du collège, le mercredi matin travailler dans les écoles ou encore les mutations de profs en métropole. Et qui dit rentrée scolaire dit évidemment embouteillage. Eux aussi devraient faire leur rentrée demain. De grosses perturbations sont notamment à prévoir à l'entrée ouest de Saint-Denis en cause les travaux de rénovation sur le pont de la Délivrance, fermé pendant les vacances. Le pont sera en mode alterné à partir de demain. 5h05 sur la première, la suite du journal Florent Marot. On attendait 10 à 15 000 personnes. Finalement, près de 7 000 fidèles ont participé hier à Sainte-Rose au pèlerinage de la Vierge au Parasol. Il faut dire que cette fête de l'Assomption était placée sous haute surveillance. Une quinzaine de gendarmes notamment étaient mobilisés sur le champ de foire. On se souvient des attentats de Nice ou de l'assassinat du père Jacques Hamel. Les fidèles en ont évidemment beaucoup parlé. Ils sont aussi revenus sur un sujet polémique, le diaconat féminin. Tout dépend de la femme aussi. Hein. Voilà, même si ben, on a des femmes bien et des femmes, hein, les laisser à désirer, quoi. Hein. Vous ne serez pas fondamentalement contre? Pas du tout, non. Après, tout dépend le type de femme que tu choisis, quoi. Pour moi, femme, diacre, non. Pour moi, dans la Bible, on a toujours parlé l'homme. Le mot homme englobe la femme, mais c'est pas pour dire qu'une femme elle devient diacre, un truc comme ça. Non, moi pas d'accord. Pour moi, elle n'est pas les sales. Et vous êtes d'accord qu'ils mettent des femmes diacres? Ah non. Pourquoi? Je sais pas, mais tout n'est pas faisable. Non, je suis pas d'accord. Non. Vous ne voulez pas entendre parler de femmes diacres? Non, mais dis pas, on ne veut pas t'en parler, mais dis pas où ça, ouais. Parce que ça, il faut quand même des gens bien, bien, bien sérieux. Hein. Mais s'ils mettent en place ou acceptent? Ah ben oui, ben nous va faire ensemble. Hein. Ah ben bien, je n'ai pas le choix. Hein. Alors. Des propos recueillis hier par Mélodie Nourry à Piton-Sainte-Rose. Dans l'Ouest, comme chaque 15 août depuis plus de 30 ans, la possession a rendu hommage aux pêcheurs disparus. Une messe a été organisée avant le défilé autour de la mairie jusqu'au petit port de pêche de la ville. Le curé a ensuite béni les embarcations et rendu hommage aux 9 pêcheurs possessionnés décédés le 28 février 62 pendant le cyclone Jenny. Marceau Grimaud, l'organisateur de cette procession, est lui aussi pêcheur. Il se souvient de cette tragédie. Quand ils sont disparus, c'était 9 pêcheurs, mais il y a la plupart, on a trouvé la tête. Moi, j'avais quoi, 13 ans, 14 ans à l'époque. Et bien, il y a 2 corps, on ne l'a pas retrouvé du tout. Il y en a, on a trouvé la tête dans le cap à côté, là. Et puis, ben, il y en a, c'était à moitié. Il y en a, il est disparu carrément. Puis, voilà. Ouais. On avait pris un peu plus de monde, mais là, ben, tout le monde n'est pas prévu ici pour, peut-être. Mais c'est traditionnel, mais il y a toujours un peu de monde quand même. On est content. Il reste peu de pêcheurs, finalement, à la possession. Les pêcheurs, il ne reste pas beaucoup. Mais la pêche, ça devient de plus en plus dur aussi depuis. Hein. Courage pas trop quoi. Là maintenant il faut les grands bateaux aller plus loin quoi. La pêche côtière c'est presque bon. Là. Finalement il n'y a que la mer qui ne change pas. Ben oui la mer ne change pas. Mais les requins n'en manquent pas par contre. Marceau Grimaud, pêcheur au micro Réunion Première d'Hubert Debeu. Dans l'Ouest, toujours, Floréal a fermé ses portes hier. Près de 30 000 personnes se sont déplacées pour cette 21e édition, dont le thème était des fleurs dans nos assiettes. Une fréquentation en très légère baisse par rapport à 2015. Et puis, attention, plusieurs vols Air Austral sont décalés ou reportés en ce moment. Pas d'explication pour l'instant. Le programme sur le site internet de la compagnie. On passe au sport en cyclisme. Après la classique des Cannes et l'étoile de l'océan Indien, Franck Parmentier a remporté hier le tout nouveau Grand Prix des commerçants de Sainte-Anne, une course de 98 km disputée entre le chemin de ceinture et le pont de la rivière de l'Est. Le Saint-Louisien s'est imposé en 2h37 minutes et 52 secondes. Bah, au début, y avait Arthur Vatel, un co-leader du CCSL dans l'échappée, donc on n'avait pas à faire d'efforts. Après, il y a un petit groupe de derrière qui s'est détaché, on était 4 ou 5. On a réussi à faire la jonction avec le groupe de tête, et puis après, étant revenu de l'arrière, j'ai attaqué plusieurs fois pour fatiguer le groupe pour Arthur. Et au final, j'ai réussi à sortir et les jambes répondaient très bien, donc c'était pas plus mal comme ça. Au début, c'était le Saint-Andréen Bernard qui était devant, il a pas tenu. C'était compliqué pour lui parce qu'on était quand même un groupe derrière à se relayer, donc c'était difficile, je pense, à ce moment-là, deux tours de l'arrivée, de sortir seul et voilà quoi. Franck Parmentier, vainqueur du Grand Prix des commerçants de Sainte-Anne, interrogé par Olivier de la Richaudie. Un mot des Jeux Olympiques de Rio avec la déception hier de Marine Boyer. La Réunionnaise termine quatrième à la poutre. Les handballeurs, en revanche, ont réagi après leur défaite face à la Croatie. Les coéquipiers de Daniel Narcisse ont battu le Danemark hier 33 à 30. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info et on parle ce matin du Burkina. Merci. Le burkini est-il dangereux? C'est en tout cas ce que semble penser le maire socialiste de la commune de Cisco en Corse. L'élu a pris un arrêté interdisant le port de ce maillot de bain recouvrant l'intégralité du corps des femmes pour protéger la population, a-t-il dit. Cela fait suite aux violents affrontements qu'a connus la commune samedi soir. Ils ont fait 5 blessés. Selon des témoins, la rixe sur la plage de Cisco avait éclaté alors que plusieurs femmes qui se baignaient en burkini étaient prises en photo par des touristes. Une enquête a été ouverte pour violence en réunion et pour établir l'origine des faits selon le parquet de Bastia. Un homme de 56 ans a été abattu par plusieurs balles vers 23h30 ce lundi dans une rue déserte de Marseille. La victime se trouvait dans la cité de la Cayolle au sud de la ville. Ce quinquagénaire était connu défavorablement des services de police qui écartent la thèse de la banale altercation. Cet homicide porte à 19 le nombre de morts par arme à feu dans les Bouches-du-Rhône cette année. Le tourisme en France plombé par le terrorisme, on l'a vu notamment à Nice avec les chiffres de l'hôtellerie, mais cela touche aussi les plus gros acteurs du secteur. Disneyland Paris, premier site touristique d'Europe avec 15 millions de visiteurs par an, a vu sa fréquentation chuter de 11% au printemps. Un membre de l'ONG Médecins Sans Frontières et au moins 10 autres personnes sont mortes ce lundi dans des bombardements au Yémen. Un hôpital, une nouvelle fois touché par des raids aériens dans le nord du pays, dirigé par la coalition arabe alliée du pouvoir. Samedi, 10 enfants avaient été tués dans des conditions similaires. Le Pentagone confirme le transfert de 15 détenus de la prison de Guantanamo. L'annonce avait été faite ce lundi par l'organisation Amnesty International. Les 15 prisonniers ont pris la direction des Émirats Arabes Unis. Guantanamo avait été ouvert sur une base navale américaine de l'île de Cuba suite aux attentats du 11 septembre 2001. Barack Obama avait promis sa fermeture en 2009. La pluie laisse enfin la place aux athlètes à Rio. Une averse avait suspendu les compétitions. Elles reprennent en ce qui concerne les séries du 110 mètres haies chez les garçons et qualification du français Romain Bascou pour la demi-finale. Même chose du côté du disque avec Mélina Robert Michon, c'est reparti. Pour l'instant, du côté du saut à la perche, c'est encore un peu flou. Le concours pourrait reprendre d'ici une quinzaine de minutes. La pression monte donc pour la délégation tricolore qui s'attend à vibrer avec Renaud Lavillenie, le champion olympique en titre. Espérons que ces retards et ces conditions climatiques toujours un peu difficiles ne viennent pas perturber le français. Eux sont imperturbables. Les handballeurs français connaissent enfin leur adversaire pour les quarts de finale du tournoi. Ce sera le pays haute pour les experts, Brésil-France donc mercredi. Même jour pour un autre quart et pour une autre équipe de France masculine, les basketteurs affronteront l'ogre espagnol, double vice-champion olympique à Londres et Pékin. Pour le moment, la France compte 23 médailles. La dernière décrochée cette nuit par le boxeur Souleyman Sissoko, c'est du bronze après sa défaite en demi-finale. h 12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, le vent va encore souffler aujourd'hui. On va en avoir encore du vent avec le micro, c'est beaucoup mieux. C'est mieux du vent, hein. Du vent voilà. Qui va souffler à 70 km/h sur les côtes nord et sud. Petite rafale de vent sur le piton de la Fournaise et sur la plaine des Cafres. Alors toujours ces entrées maritimes là, sur l'est et le sud qui arrivent avec une couverture nuageuse qui va se déchirer tout de même au fil des heures pour accueillir le soleil un petit peu comme hier, alors qu'à l'ouest, le soleil sera déjà de la partie. Bien sûr, quelques nuages vont s'étaler de la Possession à Trois Bassins l'après-midi, avec un risque pluvieux qui restera faible du côté de Saint-Pierre. L'ensoleillement reste important tout au long de la journée. Température, c'est toujours pareil, Isabelle. On n'ira pas plus loin que 26 degrés sur les plages, et puis 12, 13 degrés au volcan, certainement sous le brouillard, alors parfois avec quelques éclaircies. Bref, c'est pas le temps idéal pour aller au piton de la Fournaise aujourd'hui. Mais c'est un temps idéal si vous avez pour un petit rentrer. Temps. Pourquoi pas de... Oui, vous avez encore une journée. Encore une journée. Vous avez encore une journée. Voilà. Profitez-en avec les marmailles voilà. Surtout. Une journée de vacances. Ça n'a pas de prix. La dernière. Ah, quand même. Bah ouais. Quand même. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Allez, les 5h13 à La Réunion, on va dire bonjour comme tous les matins à Juliette qui va nous donner des nouvelles des astres. Bonjour Juliette. De ce jour. Bonjour Juliette. Bonjour, nous sommes mardi, nous sommes le 16 août, c'est la Saint-Armelle aujourd'hui, bonne fête, merci d'être avec nous, merci d'écouter nos programmes. Comment allez-vous? Bien, je l'espère. On va le savoir tout de suite, de toute façon, voici les prévisions astrales de la première. Bélier, quelques petits déplacements sont possibles, ils vont vous redonner l'envie de bouleverser votre quotidien. Taureau, on essaie de vous mettre au cœur d'un enjeu affectif ou professionnel. Gémeaux, vous aimez les tournants, c'est une façon de vous sentir vivant. Cancer, vous allez sortir des sentiers battus en ce début de semaine. Lion, ce dont vous rêvez, oubliez le réveil et toutes vos contraintes. Vierge, les influx sont excellents pour l'ensemble du signe. Balance, vous n'avez pas envie d'être accompagné aujourd'hui, vous préférez tout faire en solo. Scorpion, des compensations revigorantes sont au programme de cette journée pour vous. Sagittaire, vous avez du mal à affronter la réalité. Ne restez pas dans votre coin et partagez vos ressentis avec simplicité. Capricorne, certaines transformations s'annoncent. Celles-ci pourraient vous déstabiliser, mais pas durablement. Verseau, les influences vous portent aujourd'hui vers un accomplissement intense. Poisson, termine par vous. Ralentissez, prenez le temps et savourez les instants. Excellente journée à tous et à toutes. J'adore la voix de Juliette, hein. Je la retrouve demain matin avec grand plaisir. Bon, d'accord. 5h, 8h, la matinale, vous connaissez maintenant le rendez-vous. On est là pour 3h avec vous, on va faire un petit tour de l'île, bien sûr, encore ce matin. On va se connecter à l'océan Indien et au monde, comme d'habitude, entre 5h et 8h, donc en matin. On vous attend sur le 0262 99 2000, mais aussi par SMS. Eh tout oui. Nouveau numéro SMS d'ailleurs. Ah oui, il va falloir bien mettre ça dans le coco. Hein. C'est le 06 92 70 2000. Si vous êtes sur le réseau routier, vous voulez nous envoyer un petit message, nous faire un petit coucou, nous envoyer un anniversaire de vos enfants, tous vos messages, ce nouveau numéro 06 92 70 2000. 2000. Où que vous soyez, on vous attend sur Facebook. On attend Prisca aussi qui est avec nous. Coucou Prisca. Hello. Coucou Isabelle et Mickaël. Ben oui, ça va. Je suis en train de mettre un peu de rouge à lèvres, tailler un peu mon cheveu dans l'auto. Ma pomme est dans l'auto. Mais, hein. Et vous savez, vous faites de la radio, Prisca. Donc c'est pas essentiel de mettre du rouge à lèvres. Oui, mais Lisa, revoir les bases. Vous êtes en studio, vous. Alors, oui, c'est vrai. À l'extérieur, c'est vrai. Alors, pas de problème, ça, Mickaël. Prisca, tu seras avec nous dans une vingtaine de minutes maintenant. Allez, moins d'une demi-heure. Sur le marché. Absolument. Voilà. sur le marché de Sainte-Suzanne. Allez, je continue la séance maquillage. Voilà. Oui, donc, si vous voyez une jeune demoiselle dans un loto à côté du marché forain, au niveau du bocage à Sainte-Suzanne, eh bien, c'est Prisca. C'est une âme charitable. Bah, mais un petit café. A besoin d'un café, Prisca? Non, c'est bon. Ça va. Le café avec Aurélien. Ah, attendez, bon, mais je suis pas la seule à me préparer parce que, attendez, ils sortent dans l'auto, là. Hein. Juste à côté de moi, il y a mon Dallon. Bonjour, comment il est? Vous êtes en direct sur Réunion Première, ça va? Oui, ça va. Oui. Ah, aussi en train de mettre rouge à lèvres ou quoi? Non, c'est bon. Vous mettez quoi, vous, votre doudoune, c'est ça? Ben, t'as un vrai froid. Ouais, vous avez mis le chapeau aussi. Hein. Ça va ce matin. Fait pas si frais que ça. Pour la frais, hein. Bon, mais que passe-t-il, entends le vent, mais il vient de sortir plutôt là. Ouais, il entend. Là, il va falloir mettre le chapeau et l'écharpe. À tout à l'heure. Prisca, juste une chose, puisqu'on a lancé un défi depuis hier quand même, c'est de photographier son petit déjeuner un petit peu partout dans l'île. D'accord. Bah, on pourrait peut-être le faire ce matin avec les bazardiers. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais voir Aurélien, parce que c'est Aurélien qui ramène les croissants, le café, le thé. Ça va. Et je vous envoie la photo. Ah bah super. C'est cool ça. Tu connais la page, Prisca, hein? La page Grand Matin. C'est la page Grand Matin Grand sur Facebook. Matin. Voilà, ça tu postes ta photo et ensuite, tu feras peut-être partie des sélectionnés. Ah ben bah non, tu peux pas. Ben non, c'est pas possible. Non, tu peux pas, toi. Bon. Tu peux pas. Mais c'est pas grave. En tout cas, envoyez-la nous. Ça peut être toujours sympathique de la voir sur la page Facebook. Ok. À tout à l'heure. Allez. Salut Prisca. À tout à l'heure, Prisca. Si vous aussi vous l'envoyez vos photos de petit déjeuner, vous n'hésitez pas à la page Grand Matin sur Facebook. À la clé, vos invitations pour aller au ciné et en fin de semaine, des invitations pour aller à l'hôtel. C'est ça aussi, hein, qui est important. C'est qu'il y a double cadeau le matin. Double cadeau, nuit d'hôtel pour deux personnes en chambre double. Dans le sud. C'est peut-être pour vous. Hôtel à condition de prendre sa petite photo ce matin, où vous soyez même dans la salle de bain. Dans la salle de bain, vous prenez le petit déj, Allez. Poste la tienne, Isa. Et d'ici là, vous aussi, vous postez sur Facebook la page Grand Matin. Voici Isa. À moi? Bah non, pas toi. Ah bah non, moi je chante. Elle. Ah. Avec Fais-voir sur Première. Catherine est mal barrée, malgache et maorée. Femme vieux gansée, français aux arabes, femme dans le monde entier. Femme bien guindée, voilée ou dénudée, aimée ou abusée. Toute femme coulée, fais voir qui n'était, fais voir qui s'avilait. Maorée, qui oulé tout ça qu'on a pour dire, tout ça qu'on a pour faire. Femme oulé, Catherine est mal barrée, mal gâchée, maurée. Dans le monde entier, ou même pour donner la vie, fais voir qui s'abîme. Fais voir quoi que c'est où, cache pas, fais voir quoi que c'est nous, que t'as n'as plus meilleur que ça. Tout l'amour c'est où, cache pas, fais voir quoi que c'est nous, que t'as n'as plus meilleur que ça. Fais voir quoi que c'est où, cache pas, fais voir quoi que c'est nous, que t'as n'as plus meilleur que ça. Tout l'amour c'est où, cache pas, fais voir quoi que c'est nous, que t'as n'as plus meilleur que ça. Dans toute la Réunion, on vous souhaite un bon réveil avec Isa, fais voir. Et pour tous les fans de Tiercé, c'est le moment de noter vos chevaux favoris, ceux de Pascal Maillot et du Fouineur. Mais avant, on va revenir sur l'arrivée d'hier, c'était à Deauville. Exactement, Isa. Et pour gagner, Mickaël, il fallait jouer le 7, le 3, le 2, le 11 et le 4. 7, 3, 2, 11 et 4. Et aujourd'hui, Pascal Maillot et le Fouineur ont leur favori. Mmh. C'est à Châteaubriant, l'hippodrome, que ça se joue, ce tiercé quinté, quinté plus. Pour cette course qui va s'appeler donc le quinté du Grand Prix Châteaubriant. Il y aura 16 partants, 1950 mètres à parcourir dans la tirelire, tenez-vous bien, 3 700 000 euros. Voici les pronostics de Pascal Maillot qui vous conseille le 15, le 12, le 10, le 13, le 9, le 7, le 2 et le 11. 15, 12, 10, 13, 9, 7, 2, 11 en cas de non partant l'As. Les pronostics du Fouineur du GIR partenaire Réunion Première. Lui vous conseille le 10, le 12, le 6, le 9, le 4, le 7 et le 2. 10, 12, 6, 9, 4, 7, 2 pour ce Grand Prix Châteaubriant qui aura lieu donc sur l'hippodrome de Châteaubriant. Départ prévu 15h47 et attention, le 6, eh ben il ne croit pas. Ah! Ça, c'est voilà. Important à dire quand matin, même. Grand matin, il connaît, à signaler. Moi qui voulais prendre le 6. Non. Tu peux faire comme Pascal Maillot. Ok. Tu prends l'As. L'As. Oui, c'est bien. L'As, c'est bien. Vous me le conseillez. Oui, c'est bien. C'est bon, c'est un conseil. À mon conseil de Pascal. Voilà. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir. Jouons, Mickaël. Responsable. On parle d'Elvis Presley dans un instant. On vous dira pourquoi. Mais d'ici là, c'est Youssoufa et Aïna avec On se connaît sur Première. Excellent réveil avec nous. Prime parolier, yeah. L'amour ça repart, parfois ça nous quitte. J'assume tous mes pas, car seul Dieu nous guide. Et quand on se parle, l'histoire est écrite. Ne me remercie pas, t'inquiète, on est quitte. La rue m'a fait vivre, mais la rue m'a dégoûté. L'école m'a fait lire, mais l'école m'a fait douter. Maman m'a appris que l'argent n'est pas une fin en soi, que vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. On m'a dit ne te rate pas, y'a personne qui m'aide. J'aime pas le rap, moi, c'est le rap qui m'aime. Il m'a rendu au centuple tout ce que je lui donne. Et parfois quand je ne chante plus, c'est là que je m'isole. Et je n'ai pas d'idole, à part le plus grand, à part mon créateur, plus j'en parle, plus j'en tremble. Plus rien ne me tente, à part quelques doutes que je promène. On se ressemble, appelle-moi Youss, on se connaît. Tant d'années, Youss, on se connaît. Tant d'années, Youss, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non. Je peux pas t'oublier, non. Les stars, ça décline, un jour on les remplace. Les foules sont anonymes et un jour on les embrasse. La pression domine, personne n'est à ma place. J'ai pas de pseudonyme, Youssoufa, c'est mon vrai blast. J'ai un label qui monte, tant pis pour la critique. Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Le but de ma musique, du rap que j'expose, c'était de rester authentique, pas de rester pauvre. Prouve que tu luttes, prouve que t'exultes. Prouve que le but, c'est briser les cœurs bruts. Ils veulent qu'on se bute, attendent les erreurs que l'on commet. On se ressemble, appelle-moi Youss, on se connaît. Tant d'années, Youss, on se connaît. Tant d'années, Youss, on se connaît. J'peux pas t'oublier, non. J'peux pas t'oublier, non. Tant d'années, Youss, on se connaît. Tant d'années, Youss, on se connaît. J'peux pas t'oublier, non. J'peux pas t'oublier. La la la la. Ensemble. Il y a de l'amour dans mes paroles. Tu chantes avec moi et je m'envole. Tu te retrouves en moi, je sais qu'on se ressemble. Tu bouges la tête sur la musique, le temps s'arrête, c'est magique. C'est là toute l'histoire de ma vie et tu la connais, on se connaît. Un autre pas vers l'avenir, je t'invite encore à me suivre. On se connaît, oh, oh. Et je sais qu'on se ressemble. Au cœur de la Réunion, le duo Youssoufa Aïna, on se connaît, c'est dans Grand Matin. Maintenant, vous êtes au rendez-vous hein, jusqu'à 8h, on est là avec vous. Et aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 août. Il y a 39 ans, Elvis Presley nous quittait. Cela veut dire qu'on fêtera, entre guillemets, les 40 ans de sa disparition. L'année prochaine. Elvis Presley, le King. Quel grand monsieur. Le King Michael, qui reste aujourd'hui encore l'objet de tous les fantasmes. Sa grande maison à Graceland, aux États-Unis, est toujours l'objet chaque année de visites de fans du bout du monde. Ils sont près de 600 000 chaque année à prendre un ticket pour venir visiter cette grande maison de Graceland. Également, il y a plein d'objets vendus aux enchères chaque année. Ça fait juste tourner la tête. Par exemple, une guitare d'Elvis, ça vaut 270 000 euros. Son jogging dans lequel il a su un petit peu là, pour l'effet sport, eh bien ça peut se vendre 200 000 euros. 200 000 par exemple. Euros pour un jogging. Et imaginez. Puis... quoi ? Juste votre jogging chez vous, rien. Comme ça, voilà. qui est vendu à 200 000 euros. Et il y a 85 000 imitateurs référencés du King Elvis Presley. Dont un qui s'appelle Martin Fontaine, qui est un Québécois. D'ailleurs, son show est certifié par les entreprises de la famille Presley, Elvis Enterprise. Et Martin Fontaine a personnifié le King en 12 ans, entre 1995 et 2007, plus de 2000 fois. Quand même énorme. Un spectacle à coupe et le souffle. Vous avez peut-être déjà vu les vidéos qui circulent sur Internet. Puis alors certains, eux, se décident à reprendre les standards aussi d'Elvis Presley. Alors il faut savoir que quand même, pour reprendre les standards d'Elvis Presley, encore faut-il avoir la voix. The Voice. The Voice. C'est d'accord. Ça. Il y a ce jeune Québécois qui s'appelle David Thibault. Et lui, il a véritablement séduit le public parce que quand on écoute, on a quand même un peu l'impression d'entendre Elvis Presley. Sérieux. C'est vrai qu'on pourrait s'y croire avant le 77. Cécile Thomas, est-ce Elvis ? Ouais, bon, on vient de lui dire en même c'est temps. Son jumeau. Elle est en train de réfléchir. Vous savez qu'il avait un frère jumeau, Elvis. On a peut-être retrouvé là. Ouh. Eh bien non. Non. Ce n'est pas le frère jumeau. Non, ça c'est David Thibault qui reprend Elvis Presley. Donc il a fait The Voice en France. Il a sorti son tout premier album au mois de mai. Et vous savez quoi ? Il est trop fort ce David Thibault. Parce qu'il reprend pas qu'Elvis Presley, c'est ça. On dirait aussi Johnny Hallyday. Toute la musique que j'aime. Un peu moins. Ah bah si quand même. Un peu moins. Si. Moins de rock, moins de grave dans la voix. Un peu ? Un petit peu. Un peu. On écoute quand même. Allez. Pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Ah, il n'est pas tout ce qu'il a comme Johnny quand même. Hein. Il a 17 ans. Il manque un peu de punch. Ah hein. Oui, c'est peut-être ça la différence sur la voix. Ouais. Ouais. La différence, bon. C'est la voix. C'est l'âge surtout. Voilà. Alors il a 17 ans, il vient de sortir son tout premier album cette année, David Thibault, si ça vous dit, pourquoi pas. Sinon il y a ceux qui reprennent simplement les titres d'Elvis. Oui, comme cette belle Nora Jones qui a repris Love Me Tender, et c'est là-dessus qu'on va finir. Une petite note de douceur avant de retrouver Cécile Thomas pour l'info. N'allez pas vous coucher tout de suite, c'est le moment de se réveiller. Justement. On se réveille puisqu'il est 5h30 sur la première. Et le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. 7000 pèlerins réunis autour de la Vierge au parasol hier à Piton-Sainte-Rose. C'est beaucoup moins que les autres années, alors qu'à la Possession, une centaine de personnes se sont rassemblées hier pour rendre hommage aux pêcheurs disparus en mer. Retour sur ces célébrations du 15 août pour les catholiques dans ce journal. L'autre actualité du jour, c'est la rentrée des classes pour les professeurs en attendant la rentrée des élèves demain. Avec cette année du nouveau dans les collèges, c'est l'entrée en vigueur de la réforme mise en place par le gouvernement. Et pour être prêt pour cette rentrée, on se presse dans les magasins ou dans les braderies commerciales pour terminer les achats des fêtes scolaires. Exemple notamment aux tampons. Succès pour la braderie cette année. Et puis gare aux bouchons sur la route. Avec la rentrée, les difficultés vont se corser encore plus. Nous ferons le point sur des travaux à l'entrée ouest de Saint-Denis sur le pont de la Délivrance dès demain. Beaucoup moins de fidèles cette année à la messe de l'Assomption à Piton-Sainte-Rose. Le grand rendez-vous en plein air était placé sous haute sécurité. Hier, on attendait plus de 10 000 personnes. Elles étaient autour de 7 000 pour suivre la messe célébrée par l'évêque Gilbert Aubry. Moins de monde, c'est moins de chiffre d'affaires pour les marchands du temple qui s'étaient, comme chaque année, installés sur le champ de foire. Axel et Farid avaient préparé un important stock. C'est le moment idéal pour pouvoir produire un peu plus, mais malheureusement, la crise est toujours là. Quoi. Voilà. Pour cette année, c'est quand même assez dur, comparé aux années précédentes. Voilà. Ça ne s'écoule pas aussi. Mais c'est pas autant comme on voit dire les deux années précédentes. Voilà. C'est un peu dû à la pluie aussi, les intempéries, c'est tout ça qui était un peu en cause. D'accord. Donc, un petit peu déçu alors? Ben, on va dire faire avec. Il ne faut pas dire que c'est déçu, on doit contenter tout ce qu'on gagne. Moi, je pense qu'à cause du Visipirate, le système Visipirate qu'ils ont mis en place, c'est pas bien du tout. Fouiller tout le monde. Les gens ont peur aussi de venir nous voir ici. D'accord. Ouais. Et là, comparé aux autres années? C'est fiasco aujourd'hui. Vous regrettez un petit peu d'être venu? Regretter dans un sens, non, on a écouté la prière du conseiller Aubry. On est finalement, vous n'avez pas tout perdu alors? Pas perdu, non. Axel et Farid répondaient à Mélodie Nourry. Autre temps fort de cette journée du 15 août, l'hommage rendu aux pêcheurs disparus en mer à la Possession. Après la messe, une procession avec la Vierge Marie était organisée jusqu'au petit port de la commune. Une centaine de personnes s'est recueillie à cette occasion dans les mémoires. La tragédie du 28 février 1962, au cours de laquelle 9 pêcheurs possessionnais sont morts en mer à cause du cyclone Jenny. Marceau Grimaud est pêcheur professionnel, il participait à la procession. L'occasion pour lui de faire le point sur le nombre de pêcheurs à la Possession. Le constat est sans appel, ils sont de moins en moins nombreux. Trop sur la pêche aussi peut-être. Les temps ils changent aussi. Il y avait plein de poissons les années. Quand j'ai commencé à pêcher, les années 70, 72, 73, 75, jusqu'à 90 à peu près. Mais tout a changé maintenant. Hein. C'est avec le temps, et, ben, on détruit, mais il y a plein. Hein. Nous, par contre, nous ici, on n'a pas trop de secs aussi. C'est ça le problème. On a des petites secs, moins, pas trop profond. Mais à force de pêcher, à un moment donné, il n'y en a plus. Hein. Vous êtes pêcheur et en plus, vous êtes né à 15 août. Ah ben, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu m'a créé ce jour-là, peut-être, je sais pas. Mon papa était pêcheur, mes tontons et ma grand-mère étaient vendeurs de poissons et tout ça. Toute la famille, c'était pêcheur. Même j'ai un frère aussi, il était pêcheur aussi, mais maintenant il est malade, mais la famille pêcheur. Marceau Grimaud, pêcheur à la Possession, avec Hubert Debeu. 5h34 sur Réunion Première, la suite du journal avec Cécile Thomas. Dans l'actualité également, la rentrée des classes, c'est aujourd'hui pour les enseignants. Demain, mercredi, pour les élèves, 16 000 professeurs vont reprendre le chemin de leur établissement ce matin. Cette année sera marquée par l'entrée en application de la réforme du collège. Une réforme qui n'est pas du goût de certains syndicats. Jérôme Etève est le secrétaire du syndicat FO des lycées et collèges. À La Réunion, je pense qu'il y a un effort qui a été fait cette année, très certainement, pour limiter la casse. On le voit, par exemple, sur les classes bilangues en sixième, n'ont été supprimées qu'une partie de celles qui auraient dû être supprimées, d'ailleurs de l'aveu même du précédent recteur, qui avait bien dit qu'il avait fait son maximum pour essayer de maintenir avec les moyens qu'il avait. Jusqu'à cette année, il y avait pratiquement une classe bilingue par collège. De mémoire, il y avait 4 collèges dans l'académie qui n'avaient pas de classe bilingue. Avec la réforme, il en reste environ un par commune. Ça a été une volonté du rectorat. Dans un souci d'égalité, comme ils disent, ils en ont mis un par commune. Le problème, c'est que vous n'avez pas de possibilité de dérogation à l'intérieur des communes, ce qui fait que tout ça est arbitraire. Si c'est ça, la lutte contre l'élitisme, moi, j'appelle ça aller dans le sens contraire. Jérôme Etève, le secrétaire du syndicat FO des lycées et collèges, joint par Johanna Damadorassi. Focus sur la rentrée ce matin sur Réunion Première. Marie-Hélène Dor, la co-secrétaire départementale de la FSU, sera l'invitée de la matinale. Elle répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. La journée était fériée hier, mais les supermarchés n'ont pas fermé leurs portes. Pour autant, à 2 jours de la rentrée, ils ont fait le plein, simple course ou derniers achats des fêtes scolaires. Il y avait du monde dans les rayons. J'ai fait en avance. C'était quand en avance? Oh là là, ça va faire moins de 3 semaines déjà. Prévoyant jusqu'au bout. C'est les courses pour les enfants ou... Non, c'est les courses habituelles. Parce que bon, dimanche, on était un petit peu sortis en famille, donc aujourd'hui, on profite un petit peu pour reprendre le travail. Je vous vois affairé là dans le rayon des affaires scolaires. C'est quoi? C'est les achats Oui, les achats de dernière minute. On fait des comparaisons de prix pour voir par rapport aux autres endroits. Bon là, je vois le cahier de texte, c'est en promo. Donc je dis, je prends maintenant. C'est compliqué là, les achats de rentrée? Mais quand on travaille, oui. Et alors aujourd'hui? On ne travaille pas et heureusement les grandes surfaces sont ouvertes. Des propos recueillis par Daniel d'Ambreville. La ville du tampon a, elle, vécu plusieurs jours au rythme de sa braderie commerciale. Objectif de l'association des commerçants du tampon, que les habitants consomment local. Une étude a en effet mis en avant que la moitié des tamponnais allaient plutôt à Saint-Pierre pour effectuer les achats de rentrée scolaire. Entre 15 et 18% se tournaient vers d'autres communes. Avec la braderie, les tamponnais sont restés dans leur commune et la manifestation a attiré des visiteurs de l'extérieur. Pierre Komorasami. Commerçant dans le centre-ville du Tampon, Mourad Diouman se frotte les mains. Ça a été une bonne semaine pour nous. Cette braderie, elle est importante, elle est même devenue essentielle. On a très bien travaillé. Durant 11 jours, le centre-ville a vu passer beaucoup de monde. Des clients comme cette maman tamponnaise qui ne demande qu'à rester au Tampon pour faire ses achats. C'est une très bonne chose. Les prix sont attractifs, il y a pour toutes les bourses. On va facilement vers Saint-Pierre, mais ça dépend ce qu'il y a. Parce que si on trouve au Tampon, on reste au Tampon. Ah oui, vu le climat, c'est mieux. En plus de capter la clientèle locale, la braderie commerciale attire même des visiteurs venus d'autres communes. Vanessa, par exemple, arrive de Saint-Paul. Elle a profité de ce lundi férié pour une sortie en famille. Juste pour visiter, pour regarder s'il n'y a pas des petits trucs pour la rentrée. Avant la rentrée, oui, c'est pratique pour les parents. Parce que même sur Saint-Paul, je vois que c'est un peu cher par rapport à ici. La braderie du tampon à la veille de la rentrée scolaire, une stratégie bien pensée. Ainsi, pour éviter de faire de la concurrence au commerce sédentaire, les organisateurs ont veillé à bien choisir les forains présents. Zarif Mansour, président de l'association des commerçants du tampon. On a sélectionné les activités manquant sur le tampon pour compléter les activités existantes. Et pour continuer son travail de reconquête de la clientèle tamponnaise, l'association des commerçants compte également sur une redynamisation de son cœur de ville. Pierre Komorasami. Pas ou peu de trêve côté bouchons sur la route. Certains jours des vacances, ça a coincé notamment sur la route du littoral pour arriver sur le chef-lieu. Qu'est-ce que ça va donner à la rentrée à partir de demain, voire de la semaine prochaine? Eh bien, les prévisions ne sont pas bonnes. À l'entrée ouest de Saint-Denis, des travaux sont nécessaires sur le pont de la Délivrance. Le pont a été fermé durant les vacances, ce qui n'a pas facilité la circulation dans le secteur. Il sera de nouveau mis en service demain, mercredi, mais sous certaines conditions, et ce jusqu'au 30 novembre, date de la fin des travaux. Les explications de Guillaume Sayed, chargé d'opération à la mairie de Saint-Denis. Le pont de la Délivrance a été fermé pendant toute la période des vacances parce qu'il a fallu faire des travaux pour les conforter par le dessous. L'entreprise avait besoin d'accéder au pont totalement fermé à la circulation pendant une période des travaux. Là, lorsque la rentrée va reprendre à partir de mercredi, on va pouvoir ouvrir la circulation en voie unique dans un certain sens le matin et dans l'autre sens l'après-midi. Donc ce sera du secteur ouest vers l'est de 6h jusqu'à 14h30. Et le même jour d'après-midi, de 14h30 vers 6h le lendemain, ça va rebasculer dans le sens est-ouest. C'est un pont qui sera accessible seulement aux véhicules légers, c'est ça? C'est ça, il va être fermé au supérieur à 3,5 tonnes, il est interdit aussi aux bus et on va continuer de le fermer à la circulation piétonne parce qu'il y a la passerelle piétonne juste à côté qui permet aux piétons de passer. Guillaume Sayed, chargé d'opération à la mairie de Saint-Denis. Il répondait à Johanna Damadorassi. Bon courage et patience si vous nous écoutez dans votre voiture. Un dernier mot de sport pour vous dire que Marine Boyer a réussi son pari terminé dans les 5 premières à la poutre en gymnastique au JO de Rio. La jeune réunionnaise reste cela dit au pied du podium avec la 4e place. L'épreuve s'est déroulée hier soir et puis victoire des handballeurs français hier face au Danemark. En quart, Daniel Narcisse et ses coéquipiers affronteront Isabelle et Michael, le Brésil à domicile. Aïe, aïe, ça va bien se passer. Il va y avoir de l'ambiance. Mais bon, ouais, on est la France en handball, on domine le monde. Donc on s'appelle les experts. Ça devrait aller. Bah, allez, temps. Allez, on est prêt. Allez, alors. Cocorico. Allez. Merci Cécile. Merci. 5h40 sur la première, on s'intéresse à la météo. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Et dans le ciel, au petit déjeuner, côté est, ce sera du vent et un peu de nuages, Michael. Mais comme souvent, d'ailleurs, hein, beaucoup de nuages depuis 2-3 jours. Des nuages qui ne donnent pas de pluie ce matin, ça c'est la bonne nouvelle. Vous réveillez par contre avec du vent. Tu vois qu'il y a du changement. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. C'est déjà ça, 30 à 40 km/h de vent, c'est pas beaucoup hein, pour le moment, mais on devrait monter un peu plus cet après-midi. On atteindra les 70 sur Pierrefonds, un vent qui soufflera sur toute la partie nord-ouest, nord-est et sud. À l'ouest, à nouveau, hein, toujours un régime de brise. Température au lever du jour. Si vous réveillez en ce moment, à peine 10 degrés. Hokkaido, 4 petits degrés au volcan, c'est frais. 21 à Saint-Denis, ainsi qu'à Saint-Pierre. Eh oui, on n'est pas tous au volcan, c'est l'avantage quand même. 4 degrés. 4 degrés. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Et pour se réveiller, qui de mieux que Fabrice Legros ? Je sais pas, cette voix douce qui nous envoûte. C'est vrai. Chaque fois son truc. T'avais Juliette tout à l'heure pour l'horoscope et sa voix. Vous avez, vous les femmes, Fabrice Legros. Allez, c'est cadeau ce matin. Ensemble, toi, sur Première. Bon réveil, vous êtes dans Grand Matin, bienvenue. Sur le bord, mon piton galé, il voit quel côté millé. Moi, mes vives sont ma paradis. L'âme pour personnes images, m'y attend la tuer. Mon esprit va vanguer ensemble tuer. J'espère toujours mon gâté, moi mange toujours bon côté. Si l'allée de paradis n'allait, à toutes mes histoires notées, m'y attend la tuer. Mon esprit va vanguer ensemble tuer. Assis, nous t'es au système. L'espoir est vain demain puisse à canane. Fond mon capitation pour aller. L'amour comme les étoiles quatre. Viens, prends mon cœur relatoué. M'y veux lève. L'espoir est vain demain sera quelqu'un. Fond mon cœur sans raison donne un rêve. L'amour comme frémissement d'un cœur. Un bélisé. Tant pas vivre en roi t'es là, t'as moins juste ton bon demain. Mais la tuer dans mon rédillon, on allait la yasse desserrer. Mais attends la tuer. Mon esprit va vanguer, on s'en tuer. La masine toute coulait la vie, la peine de sentir égaliser. Un romance m'a chanté pour tuer dans ma loya chaloupée. Mais attends la tuer. Mon esprit va vanguer. Assise, nous deux sisters, pour aller. Espoir et vain demain, demain puis sa canane. Femme, mon capitation, pour aller. L'amour comme les étoiles quatre. Viens, prends mon cœur redatoué, m'y veux lève. L'espoir et vain demain sera rien qu'un doux. Pour qu'elle sans raison donne un rêve. L'amour comme frémissement d'un cœur. La Belize c'est comme de l'eau. Sur au bord mon piton galé, qu'elle demande pour aller, m'y attend à tuer. Mon esprit va vanguer, ensemble tuer. réveil ou bonne route avec nous si vous êtes en ce moment hein, sur la route déjà. C'était Fabrice Legros avec Ensemble Toi et Philippe. Ah, Philippe. Vous aussi, vous êtes le bienvenu dans ce studio. Je passais juste bonjour, vous dire bonjour. Bonjour Philippe. Salut tout le monde. Philippe, il sera là à 7h15 pour l'invité de la matinale. Vous avez de belles lunettes, Michael. Oui, je sais. Vous n'avez jamais vu comme ça. Mais écoutez, aussi, il faut changer par moment. Ah, oui, on est tous ah, à lunettes. Ah, le journaliste qui n'a pas envie de parler de travail, dis donc. 7h15. Voilà, pourquoi Philippe Dornier, l'invité de la matinale. Ça reprend, reprend les bonnes habitudes, c'est la rentrée. Voilà, ce sera Marie-Hélène Dorque, secrétaire départementale de la FSU, qui sera en studio. Nous, avant 6h, on va jouer avec vous. On va jouer au mixeur avec ce DJ fou qui va venir dans nos studios, qui va remixer deux titres. Et il va falloir trouver quels sont ces titres, tout simplement. Soit le titre. Soit l'artiste. Ah oui. À vous de choisir. Dans ces yeux-ci, MyPie, Rodpie, il casse pas pour la tête, vous. Hein. Voilà. Deux places de concert pour Enfants Illois. L'Indigo, Désiré François, qui seront sur la scène du Petit Stade de l'Est. Exactement. Le 7 octobre prochain. Voilà. Et si vous avez envie de gagner ces invitations, d'être dans le public, d'aller faire la fête, de vous éclater, 99 2000. Et d'ici là, restez là, on va sur le marché. Oui, monsieur. Avec Prisca. À tout de suite. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Faites-le plein de saveurs, en direct du marché, avec Espace Fraîcheur. Et justement, de la fraîcheur, il y en a sur le marché forain de Sainte-Suzanne. Prisca, ça y est, vous êtes en place. Ça y est. Alors, nous sommes avec Néville. Néville, il attire la curiosité de tous les bazardiers sur le marché forain et des premiers clients, parce que vous savez que les premiers clients, c'est ceux qui viennent acheter en gros. Alors, il faut que je cours derrière Néville, parce que ça y est, il est en train de livrer. Néville, cours, Prisca, bonjour. Cours. Comment ça va, Néville? Neville, il dit moi, non, m'y casse pas, moi, mais pas de me livrer. Neville, faites un petit coucou à Isabelle Waro. Attendez, je tiens ça. Il y a un truc dans la bouche. Bonjour, comment ça va? C'est bien, oui. Ça va? Eh, mais pourquoi est-ce que vous avez ramené ces ananas? Ils sont énormes, vos ananas. 4 kg 300, un ananas. On l'a pesé ensemble. Oui, hein. Oui. Ça vient d'où, ça? Vas-y. C'est quoi comme variété d'ananas? Parce que c'est pas la Victoria. Hein. Minga. Et qu'est-ce qu'on fait avec la minga? Le jus, et puis on peut manger tel que c'est. On peut manger ça dans la salade de fruits, on peut faire du jus. Et ce matin, vous en avez vendu en gros là d'ananas? Oui, oui. Combien d'ananas sauf une vente là? 15. 15 en oui. gros Oui. 15 fois 4 kilos. Et est-ce que cette variété d'ananas change par rapport au prix? Ou là vous vendez comment, au kilo ou à la pièce? À la pièce. Donc un ananas, ça coûte combien? 2 euros en gros. Bon, ça va, c'est correct. Oui. Pour faire du jus, vous rendez compte, 2 euros un ananas, ouais, 4 kilos. Merci David, on va pas le retarder parce qu'il est en train de livrer. Allez, bah oui, on continue à faire notre petit tour. Allez, je reviens vers Timarc. Timarc, bon, il vend pas des légumes, lui, sur le marché forain. Bonjour Timarc, comment il est? Il vend pas, mais bon, bonjour la Réunion. Bonjour. Et j'adore votre t-shirt. Alors sur son t-shirt, il y a écrit Docteur Timarc. Salut Timarc. Vous n'avez un cœur. C'est ça, vous êtes docteur du cœur ou quoi? Non, mais il aime ça tout. Bah, je vois, il s'est installé. Il a mis une chanson de B.B. King, c'est ça? Ah. Shredding. Shredding, pardon. Ouais, c'est ça. Et vous vendez des disques, en fait? Oui, oui. Mais ça marche, ça, aujourd'hui, là, avec tout le monde qui a des MP3, tout ça? Mais si on fait de la bonne chance, il n'y a pas de problème, que ça prend pas, hein. En fait, vous vendez des CD, c'est ça? Ouais, c'est ça, des CD. Des CD. Des Sega. C'est faisant la qualité. Je crois donner la qualité de mon acheter toujours. En tout cas, il est là, Timarc. Hein. Vous faites tous les marchés, Timarc? DJ Timarc. Saint-Suzanne, Chaudron, Saint-Pierre, Saint-André. Ah. Allez, à tout à l'heure, les amis. Nous Salut, Timarc. Nous serons en direct du marché forain de Saint-Suzanne. Et Mickaël et Isabelle, nous avons posté la photo du petit déjeuner. Oui, on l'a vu. Vous avez vu Marc-Hubert qui vous offre un pain au chocolat avec un café. Mais on voit bien qu'il nous l'amène aussi, le pain au chocolat. On va voir ça avec Marcel. Eh ben, grand plaisir. Tout à l'heure, nous parlerons du croisson. Il y en aura dans vos assiettes cette semaine. Merci Prisca, à tout à l'heure Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et si on jouait maintenant, Isa? Ah ben oui alors, au 02 62 99 2000. On va jouer au mixeur avec notre DJ fou oui. qui est de retour. Alors lui, il parle pas, il mixe. Ah oui, il mixe, il essaye. Il a démarré hier sa carrière. Avant, il mixait chez lui. Là, il est neuf, voilà. Enfin neuf. Et il mixe maintenant dans Grand Matin. À vous d'appeler au 0262 99 2000. Si vous trouvez les deux titres qui se cachent derrière ce mix, on n'a pas fait exprès. Ah bah non. C'est pas notre faute. Ah bah non. C'est DJ Fou. Écoutez plutôt. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. Et là, ça va. Y a pas de soucis. J'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas son scratch. Le vieux virage. À la clé pour vous. Oui, ben ça va, DJ Fou, ça va. À la clé pour vous, l'Indigo et peut-être Désiré François sur la scène du Petit Stade de l'Est. Ça sera le 7 octobre prochain. Oui. Voilà. Il suffit de nous composer tout de suite le 99-2000 si vous pensez avoir reconnu ces deux titres mixés ensemble, un peu n'importe comment, par notre DJ Fou. Les premières places sont sur Réunion Première, l'Indigo et Désiré François. On a quelqu'un au standard. Allô, déjà allô. Avec nous. Salut, salut. Allô. Bonjour. C'est qui au bout du fil? Allô. Oui. Allô. On va oui, essayer bonjour. De comprendre. Pas moi non, si. On vous entend. Ah, bon, ben, allez, bon, alors. C'est qui? C'est qui au téléphone? C'est Richard. Ça va, salut, Richard. Richard. Oui. Vous allez bien? Léla ou même? Bien. Bien. Eh ben doucement, doucement. Vous venez déjà sur la route pour aller travailler. Ah forcément. Oui, il faut. Matin. Richard, on travaille dans quoi alors? La fonction publique. D'accord. La fonction publique. Oh, ah ouais. Ok, on redémarre aujourd'hui ou on avait... Non, du tout, non, c'est le quotidien. Ah oui, bah oui. Il n'y a pas eu de vacances? Il faut bien, un peu là en vacances, un peu de travail. Bah, c'est ça, bien. C'est ça, Richard. Richard, on vient de vous passer le mix fou, enfin le mix qui ressemble à rien. Alors, est-ce qu'on l'a reconnu? Alors, le premier doit être Christophe Maé, je crois. Ouais. Et le deuxième, Fujis. Bah écoutez, je crois que c'est bon tout ça. Bah oui. Ça veut dire que c'est gagné. Bah c'est gagné. Bravo Richard. Ah bah écoute, allez, on vous applaudit. La semaine. Juste mardi, mais c'est déjà le début de semaine. On démarre bien la semaine. Deux invitations pour le concert. Deux enfants illois pour vous. C'est pour vous un grand concert au mois d'octobre et vous avez déjà les invitations dans la poche. Les bons Richard. Ah bah, merci bien. Bon, super. Mais de rien Richard. Bisous, okay. Bonne route. Et bon courage. Allez. Merci beaucoup, bonne journée. Salut Richard. Bye bye. Vous aussi, vous pouvez gagner, forcément. Nous appelons le 0262 99 2000. C'est comme ça toute la journée. On vous offre plein de cadeaux. On revient dans un instant. Restez là. Première. Et voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Abrantès Adèle Néfaconnier. Madame Abrantès Adèle Néfaconnier, décès survenu samedi à l'âge de 88 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire sud à partir de 15h aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en l'église de Terre Sainte à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Monsieur Dorval Germain. Monsieur Dorval Germain, le décès survenu hier à l'âge de 87 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 911 chemin Tour des Roches à Savannah-Saint-Paul. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Barret Francis Jean-Pierre. Monsieur Barret Francis Jean-Pierre, le décès survenu hier à l'âge de 60 ans. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui du numéro 31 chemin Galet à Piton-Hyacinthe à la plaine des Cafres. La bénédiction aura lieu en l'église du 23e kilomètre, suivie de l'inhumation au cimetière de la plaine des Cafres. Décès de Madame Wilderman Henriette Népérance. Madame Wilderman Henriette Népérance, le décès est survenu hier à l'âge de 67 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 31, cité Le Lièvre à Saint-Leu. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. À 5h54, Mickaël, quelques communiqués? Forcément, comme tous les matins, avec des coupures à prévoir. Coupure d'électricité pour travaux ce mardi à Saint-André de 8h à midi. Avenue Île-de-France et rue Deschanet en partie sont concernés de 8h à midi, donc à Saint-André. Prenez vos précautions. Et des collectes de sang auront lieu encore aujourd'hui. C'est l'EFS qui les organise et les met en place à la case de la Montagne. À la Montagne, de 8h30 à 12h30. Ainsi qu'au Leclerc du Tampon de 13h à 17h. Donc ce mardi, d'autres collectes sont prévues pour la suite de la semaine. Si on bougeait un petit peu là, histoire de remettre. Il faudra un truc qui pulse. Oui. Un truc. Remettre toutes les énergies en place. C'est le début, c'est le début de la journée, c'est le réveil. Ouais. Ah. Eh ben voilà, c'est bien comme ça. Bon réveil. Peut-être écouter au camping pendant les vacances. Zouk Machine avec Maldon sur Première dans Grand Matin. Grand Matin qui vous réveille. Oui. Et comme tous les matins, justement, depuis hier, puisqu'on est revenu hier. C'est ça, et neuf aussi. On vous a lancé un défi. Exactement, celui de poster votre petit déjeuner, qu'il soit insolite, qu'il soit très copieux, qu'il soit tout léger, comme le mien que j'ai mis sur Facebook. Un petit affaire le thé, un petit affaire café et qu'à tasse vide. Qu'il soit vous avec... faire mieux, bah non oui, oui. Enfin, voilà. Oui, on peut faire mieux que ça, qu'il soit avec des gens ou pas. D'ailleurs, bah on oui. a eu un petit bébé hier. Oui. Qui prenait son petit bah déjeuner. Oui, voilà. Bah oui, comme un bébé, hein. Il s'en mettait partout, mais c'était mignon. Bah c'est mignon. C'était mignon. Salut Béa et son petit bébé voilà. qui nous a envoyé les photos hier sur Facebook. Yannick, ce matin, était là aussi. Exactement, Yannick qui nous envoyait sa photo en direct de son camion. Alors Yannick, ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi il y a une boîte d'Efferalgan sur... le camion. Bah parce que ça va bien avec le petit pain au chocolat et le petit lait, tu vois. Ok, parce que vous prenez un Efferalgan au petit déjeuner, vous, Yannick. Ça veut te dire que la journée commence avec un de ces mal de crâne. J'imagine. Ça a dû être difficile la nuit. Bah oui, ça a bon, été difficile. Envoyez vos photos de petit déjeuner sur Facebook à la clé, peut-être une nuit d'hôtel en fin de semaine voilà. pour deux personnes en chambre double. Il est 6h sur la première, c'est l'heure du journal. Le journal présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Certains évoquent le temps Mossad, d'autres les mesures de sécurité. Mais les fidèles ont été moins nombreux cette année pour le pèlerinage de la Vierge au Parasol. C'était hier, 15 août, sur le champ de foire de Piton-Sainte-Rose. 7000 personnes étaient sur place. Reportage à suivre. J-1 avant la rentrée des classes. Les élèves reprennent demain le chemin de l'école. Pour les enseignants, en revanche, les vacances sont finies. Des enseignants plus nombreux cette année dans notre île. Et puis nous irons également à Rio. Hier, Marine Boyer a terminé 4e à la poutre au pied du podium olympique. Pas de quoi lui enlever son sourire. Reportage à la fin de cette édition. Ils étaient près de 7000 fidèles hier sur le champ de foire de Piton-Sainte-Rose pour le pèlerinage de la Vierge au Parasol. C'est moins que les 10 000 de l'an dernier et surtout les 15 000 de 2014 à cause peut-être du mauvais temps ou des mesures de sécurité. Une quinzaine de gendarmes notamment étaient mobilisés à l'occasion de cette fête de l'Assomption. La messe, elle, a été célébrée par Monseigneur Gilbert Aubry. Mélodie Nourry était sur place. Il est 14h tapante quand l'évêque précédé des enfants de chœur et des prêtres invités entre en procession sur le champ de foire. Transformé en sanctuaire éphémère, le site est bien moins plein que les autres années. Daniela, une habituée, l'a remarqué. Ici, là, il était plein. Là-bas, il était plein. Là, vraiment, on a une baisse importante de personnes, de chrétiens présents. Dommage, oui. Était-il 6 000, 8 000, 10 000 ? Comme pour chaque grand rassemblement, difficile de dire précisément combien de pèlerins ont fait le déplacement jusqu'à Piton-Sainte-Rose pour assister à cette messe dédiée à Marie. Un événement qui a nécessité une longue préparation. Jean-Louis Cadet est en charge des bénévoles depuis 7 ans. Cette année, c'est une année exceptionnelle puisqu'on est en état d'urgence. Donc, il y a tout un ensemble de logistiques à mettre en place. Donc, ça fait combien de temps que là, vous travaillez sur cette célébration ? Alors, ça fait déjà peut-être 2 mois, 3 mois avec le conseil paroissial. Sur place, les fidèles, tantôt chauffés par le soleil, tantôt mouillés par la pluie, participent avec ferveur et écoutent religieusement l'homélie de Mgr Aubry, un court sermon centré sur le principal. L'Assomption, c'est Marie qui est élevée au ciel. Il n'évoquera aucun sujet d'actualité, encore moins la polémique de ces derniers jours, le diaconat féminin. Rien donc sur les attentats de Nice ou l'assassinat du père Jacques Hamel. Dans l'Ouest, comme chaque 15 août depuis plus de 30 ans, la possession a de son côté rendu hommage aux pêcheurs disparus, notamment ceux décédés en février 62 pendant le cyclone Jenny. L'actualité de ce mardi, c'est aussi la rentrée scolaire. 224 350 élèves reprendront demain le chemin de l'école. En revanche, les enseignants, eux, reprennent le travail ce matin. Des enseignants plus nombreux cette année, 16 129 au total, soit 100 postes supplémentaires. Une bonne nouvelle pour Éric Dijoux de l'UNSA Éducation, même s'il aurait aimé un effort supplémentaire. Lorsqu'on évoque le chiffre de 100 enseignants en plus, on pourra regretter quand même que plus de 300 postes sont restés, alors toutes disciplines confondues, hein, pas uniquement au collège, à la fois au lycée, au collège et dans les lycées professionnels, que nous avons quand même plus de 300 supports qui sont vacants, c'est-à-dire qui sont non pourvus par des enseignants. Donc il y a peut-être eu un effort qui a été fait pour cette centaine de personnes qui arrivent. Mais malheureusement, en termes de personnel titulaire, il nous manque encore pour la rentrée de demain 300 enseignants. Et les postes seront pourvus par des agents contractuels, certes. Mais disons qu'au niveau du syndicat, nous, on aurait souhaité que le maximum d'emplois le soit par des agents titulaires, des gens qui ont passé le concours. Éric Dijoux de l'UNSA Éducation au micro, réunion première de Johan Adam Adorassi. Et cette rentrée 2016 est également marquée par l'application de la réforme du collège. On en reparlera avec l'invité de la matinale, le premier de la saison. Aujourd'hui, Philippe Dornier reçoit Marie-Hélène Dor, co-secrétaire départementale de la FSU. Au menu donc la réforme du collège, mais aussi le mercredi matin, travailler dans les écoles ou encore les mutations de profs en métropole. Rendez-vous à 7h15. 6h04 sur la première, la suite du journal. Florent Marot. Oui, et nous parlons maintenant avec la fin des vacances, c'est aussi la fin des braderies. Celle du tampon est terminée depuis hier et l'association des commerçants est aujourd'hui satisfaite. Elle voulait enrayer la fuite des clients vers Saint-Pierre, notamment Paris réussit. Les Réunionnais ont été au rendez-vous des clients qui disent apprécier cette braderie commerciale à ce moment de l'année. C'est juste pour faire un petit tour, pour voir un peu les choses, quoi. Pour la rentrée, tout est prêt. C'est une petite occasion, ben, on regarde. On prend quand même, on achète. C'est une très bonne chose. Les prix sont attractifs, oui, c'est bien. Il y a pour toutes les bourses. On va facilement vers Saint-Pierre, ben, ça dépend ce qu'il y a. Parce que si on trouve au tampon, on reste au tampon. Ah oui, vu le climat, c'est mieux. Juste pour visiter, pour regarder s'il n'y a pas des petits trucs pour la rentrée aussi. Avant la rentrée, oui, c'est pratique pour les parents. Parce que même sur Saint-Paul, je vois que c'est un peu cher par rapport à ici. Là, ça va. Là, les prix sont abordables. Des réactions recueillies par Pierre Komorasamy. Une autre manifestation qui a pris fin hier. Floréal, 21e édition. Près de 30 000 personnes se sont déplacées cette année à la halle des manifestations du port. Une fréquentation en très légère baisse par rapport à 2015. Et comme à chaque fois, le bilan est plutôt mitigé. Suivant les horticulteurs, les visiteurs auraient dépensé moins qu'en 2015. Mais au-delà des ventes, le thème des fleurs dans nos assiettes a beaucoup plu. Et pourtant, il y avait de la concurrence. Karine Infante, la directrice de la halle des manifestations au port. Il y a eu la rentrée des classes et puis il y a eu aussi pas mal d'événements hein, sur toute l'île. Je pense que notre thème a permis de faire en sorte que les visiteurs privilégient quand même Floréal cette année. En termes de qualité, je pense qu'on a pu offrir vraiment beaucoup d'animations, notamment sur la nuit de la fleur qui était assez exceptionnelle. Le bal de la poussière où on a eu plus de 600 personnes. Donc effectivement, en termes d'animation, je pense que le pari a été gagné. Le thème a apporté quelque chose ? Oui, je pense que le thème était d'ailleurs primordial sur ce Floréal. Donc une note d'innovation, de modernité, mais a suscité la curiosité de nouveaux visiteurs. Beaucoup de professionnels ont rencontré notre marraine sur la cuisine des fleurs. Karine Infante, directrice de la halle des manifestations du port avec Hubert Debeu. Et puis attention, plusieurs vols Air Austral sont décalés ou reportés en ce moment. Pas d'explication pour l'instant. Le programme sur le site internet de la compagnie. On passe au sport en cyclisme à La Réunion après la Classique des Cannes et l'Étoile de l'Océan Indien. Franck Parmentier a remporté hier le tout nouveau Grand Prix des commerçants de Sainte-Anne, une course de 98 km disputée entre le chemin de ceinture et le pont de la rivière de l'Est. Jean-Denis Armand et Julien Bernard complètent le podium. Les Jeux Olympiques de Rio avec hier la finale de la poutre. Marine Boyer termine quatrième au pied du podium. Une petite déception. La Réunionnaise voulait en effet être dans les 5 premiers. Au final, elle est passée tout proche d'une médaille sous les yeux de ses parents. Peut-être le début d'une grande aventure. Martin Baumer, l'un de nos envoyés spéciaux au Brésil. Dans les gradins de la Rio Olympique Arena, Alain et Roland Boyer, les parents de Marine, sont placés juste en face de la poutre sur laquelle leur fille s'apprête à tout juste 16 ans à disputer sa première finale olympique. Stressée, mais pas inquiet pour elle. Elle sait quoi faire, même quel que soit le résultat, même si la chute, je suis toujours derrière. Malgré de petites fautes, Marine Boyer déroule ses mouvements avec réussite, se classant finalement au pied du podium. Petite frustration pour sa maman. Une petite déception tout à l'heure, c'est vrai, à l'annonce du podium. Terminer à la quatrième place, c'est la mauvaise place. C'est un rêve qui est devenu réalité. Elle fait partie des 4 meilleurs au monde. Il va falloir le digérer aussi, ça. Ça fait toujours un soutien en plus, hein. Je sais qu'ils seront toujours là pour moi et je leur en remercie. Heureuse d'avoir réalisé son rêve devant ses parents, La jeune réunionnaise affichait un grand sourire à la sortie de sa finale. J'espérais faire une finale et arriver quatrième, c'est génial. Bah, je me suis fait plaisir et déjà juste de réussir mon mouvement, je suis contente. Parce que le stress, il était là et voilà. La suite, pour elle, un peu de vacances, bien méritées, avant de se remettre au travail avec en ligne de mire Tokyo 2020. Et toujours au JO, les handballeurs ont réagi après leur défaite face à la Croatie. Les coéquipiers d'Anel Narcisse ont battu le Danemark hier 33 à 30. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on revient ce matin sur la fête de l'Assomption. Ils ont prié pour la paix, ils ont prié pour la France. Des dizaines de milliers de catholiques se sont rassemblés un peu partout dans le pays ce lundi pour célébrer l'Assomption. À Rouen notamment, où une procession a eu lieu sur la tombe du père Jacques Hamel, assassiné il y a 3 semaines par des terroristes. À Lourdes, ce sont plus de 22 000 personnes qui ont assisté à la messe du cardinal Barbarin. L'archevêque de Lyon a prié pour une France bouleversée, selon lui, après les nombreux attentats qu'elle a subis. Un homme de 56 ans a été abattu cette nuit dans un quartier sud de Marseille, en pleine rue déserte de la cité de la Cayolle. La victime était connue des services de police. C'est le 19e homicide par arme à feu dans les Bouches-du-Rhône cette année. Un hôpital, une nouvelle fois touché par des raids aériens dans le nord du Yémen. Un membre de l'ONG Médecins Sans Frontières et au moins 10 personnes sont mortes ce lundi dans les bombardements. Les frappes sont dirigées par la coalition arabe alliée du pouvoir en place qui vise les rebelles proches de l'ancien président. Samedi, 10 enfants avaient été tués dans des conditions similaires. Barack Obama va-t-il réussir à tenir sa promesse? Le Pentagone confirme le transfert de 15 détenus de Guantanamo vers les Émirats Arabes Unis. L'annonce avait été faite ce lundi par l'organisation Amnesty International. Le président américain avait déclaré la fermeture du site en 2009, mais ce n'est toujours pas fait. Guantanamo avait été ouvert sur une base navale américaine de l'île de Cuba suite aux attentats du 11 septembre 2001. L'établissement détient toujours 61 prisonniers. Le stade olympique de Rio attend Renaud Lavillenie. Le champion en titre du saut à la perche n'a pas encore débuté son concours. Il s'élancera pour une première barre à 5,75 m. Pour le moment, ses concurrents aussi sont bloqués. Après la pluie, c'est un problème technique qui interrompt l'épreuve. Le Clermontois en or il y a 4 ans est la plus grande chance de médaille pour cette nuit côté tricolore. Même s'il ne faudra pas manquer le 800 mètres de Pierre-Ambroise Bosse, peu avant 4 heures, le Français avait fait bonne impression sur les séries. Toujours sur la piste bleue à Rio, sur le 110 mètres S et du 2-3 côté tricolore, Romain Bescou et Pascal Martineau-Lagarde se sont qualifiés pour les demi-finales. Willem Bélossian, lui, n'a pas participé à sa série, éliminé pour faux départ. Le bilan de la délégation française pour ce lundi laisse un petit goût amer. Il y a d'abord du bon avec le bronze de Souleyman Sissoko en boxe chez les moins de 69 kilos. Une autre médaille assurée aussi pour la boxeuse Estelle Mossel qui a décroché une place en demi-finale des poids légers, synonyme de podium au minimum. Et puis les Bleus ont aussi longtemps cru à la breloque pour Thomas Bouda en cyclisme sur piste. En tête la nuit dernière sur l'épreuve d'Omnium, il a terminé finalement 5e cette nuit. Et que dire de l'argent retiré du coup d'Aurélie Muller en 10 km en eau libre? La Française a été disqualifiée pour avoir gêné une concurrente directe à l'arrivée. 6h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Michael, aujourd'hui des nuages côté est, mais moins qu'hier quand même. Oui, bah déjà on en a moins, notamment sur le volcan et la plaine des palmistes, mais sur le littoral entre Saint-Denis et Saint-Philippe, on garde hein, cette grisaille qui ne donne pas de pluie pour le moment. Une grisaille qui va se disloquer au bout de quelques heures, hein, normalement dans la matinée, et les éclaircies vont venir, éclaircies qui seront déjà belles du côté ouest et sud. L'après-midi, les nuages vont s'emparer des hauteurs de l'ouest, un peu comme ces derniers jours entre la Possession et Trois Bassins. Elle a donné une ou deux gouttes, mais enfin pas beaucoup plus, et pourquoi pas déborder sur le littoral ouest. Les températures ce matin au lever du jour, à peine 4 degrés au volcan, vous le disiez tout à l'heure, c'est frisqué, 8 degrés à la plaine des Cafres, 14 au Tampon et 21 sur Saint-Pierre et Saint-Denis. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Comment ça roule ce matin? On voit ça tout de suite. Jean-Claude Machère est à Saint-Paul. Bonjour Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Ça roule bien pour l'instant, uniquement si vous allez en direction du port. avec déjà un premier ralentissement au niveau de la route digue. Donc, c'est la fin des vacances, hein, vous vous en doutez, ce sont les profs qui rentrent, mais il y a déjà beaucoup de circulation ce matin. Vous êtes tout aussi nombreux en provenance de l'Est, une circulation qui reste très dense malgré l'heure matinale pour venir sur Saint-Denis. Nombreux depuis Saint-André, du côté de la Ravine des Chèvres là aussi, mais ça reste encore assez roulant. Dans le sud, pour l'instant, pas de difficultés particulières, circulation plutôt fluide. Je rappelle que la campagne sucrière continue malgré tout, que les véhicules agricoles, vous ne devez pas les doubler par la droite. En tout cas, c'est un vrai plaisir de rouler ce matin. Le temps est plutôt agréable, la chaussée est sèche, du ralentissement uniquement sur la route digue en direction du port pour l'instant. Sinon, à l'entrée ouest de Saint-Denis, elle reste dégagée, ainsi que le boulevard sud. Soyez prudents et bonne route à l'écoute de Réunion Première. Merci Jean-Claude, rendez-vous dans un quart d'heure. Et nous on continue cette matinale 6h14 sur Première. On espère que vous êtes bien réveillés, que dans la voiture eh bien vous vous armez de patience dans les différents ralentissements qui commencent déjà. Oui, mais quoique ça va. Mais oui, c'est déjà mieux que certainement demain. Ouais, il y a moyen que les bouchons fassent la rentrée aussi. C'est hein. ça. Mais comme moyen. Un air de rentrée aujourd'hui. Comme un air de rentrée. Et la rentrée, on la vivra sur le marché de Sainte-Suzanne tout à l'heure avec Prisca. Exactement. Elle sera de retour. Ou la vente en tout à l'heure, peut-être. On peut trouver des ananas qui pèsent jusqu'à 4 kilos. C'est énorme. 6h20. Donc vous aurez peut-être un autre légume ou un autre fruit exceptionnel. Qui vous sera présenté, mais c'est énorme, 4 kilos d'ananas. Et en plus, 2 litres le jus. 2 euros le... l'ananas de 4 kilos. Exactement. Bon, c'est alors, énorme. Est-ce qu'il y a du jus d'ananas, du jus d'orange dans votre petit déjeuner? Qu'est-ce qui compose ce petit déjeuner? Eh bien, n'hésitez pas à prendre vos photos si vous êtes en ce moment même en train de prendre la tartine, le café. Petite photo, vous nous postez tout ça sur Facebook. Et à la clé pour vous, peut-être un beau cadeau, des invites pour aller au cinéma et peut-être une nuit d'hôtel. Il y en a quelques-uns qui l'ont déjà fait. Alors, faites comme eux et on vous retrouve juste après Taïro et Jolie Fleur sur Première dans Grand Matin. Oui, bah oui. C'est pour vous ça. Bah oui, évidemment. Toutes les femmes de la Réunion, bien sûr, forcément. Hey yo, Clovis, balance-moi le rythme, coque la cour, j'ai un message pour la Réunion. Paris c'est beau, oui, Paris c'est joli. Mais à Paris il fait de plus en plus gris. Et moi j'ai pas envie de devenir aigri, je veux un billet pour me barrer d'ici. Besoin d'aller dans un endroit magique. Envie de soleil et de gymnastique. De me jeter à l'eau mais sans élastique. Je veux un billet pour l'île fantastique. Parce que la Réunion elle est comme un joli fleur. Ouais la Réunion est dans mon cœur. Yeah. La Réunion elle est comme un petit bonheur. Mi et ma auditeur. Ouais. La Réunion des îles c'est la meilleure. Yes yes yes dans mon cœur. Oh, oh. La Réunion elle est comme un joli fleur. 9-7-4 dans le cœur. Ouais. Et dit viens me chercher à l'aéroport. On me parle de gossip encore et encore. Je lui dis tais-toi et amène-moi à bon port. On arrive à Saint-Pierre sans effort, ouais. Je pose mes affaires, je lui dis hé, danse allez. Mais juste avant, serre-moi qu'à prix ma salée. Pour que sur la plage je n'ai plus qu'à m'affaler. La vie est belle, je crois que je vais m'installer, yeah. La Réunion elle est comme un joli fleur. Ouais la Réunion est dans mon cœur, yeah. La Réunion elle est comme un petit bonheur. Mi et ma auditeur, ouais. La Réunion des îles c'est la meilleure. Yes, yes, yes, dans mon cœur, oh, oh. La Réunion elle est comme un joli fleur. 9-7-4 dans le cœur, ouais. Plonger, nager dans ces rivières. Descendre du volcan vers la mer. On sent rarement de goût amer. Sauf quand on doit la laisser derrière. Danser, chanter dans son décor. Où le rhum arrange les accords. Je sais pas pour vous, mais moi c'est fort. J'ai la Réunion dans le corps. J'aime sa mer et ses montagnes. Me mettre au vert à la campagne. Vous amallez mieux que champagne. Sunny direction Sainte-Anne. Je regrette pas d'avoir quitté Paname. Le soleil brille et il réchauffe mon âme. Mon Maloya est tant de jolies femmes. Voilà pourquoi je déclare ma flamme, yeah. La Réunion elle est comme un joli fleur. Ouais la Réunion est dans mon cœur, yeah. La Réunion elle est comme un petit bonheur. Mi et ma auditeur, ouais. Big up tout à fait malbar aussi. Les oreilles arabes se mélangent aussi. Y'a des chinois se retrouvent ici. Y'a de la beauté partout par ici. J'te parle même pas de tout ce qu'on voit. Quand on se balade dans les hauts, il faut le voir pour le croire. Le lever de soleil du Maïno. J'ai pas les mots, c'est si beau qu'il faudrait de la poésie. Quand il se couche et que la mer le touche, que le soleil s'évanouit. C'est là que tu voudrais rester pour toujours. Que le Il n'est pas réunionnais, mais il est pourtant amoureux de notre île. Hein, ah avec bah cette ça, chanson. Si t'as pas compris ça, tu comprends plus. Hein. Ça, c'est pas une déclaration. Ah oui, on sait plus ce que c'est. Hein. Taïro, jolie fleur et un nouvel album reggae français attendu pour le mois de septembre. Est-ce que vous voulez des ananas de 4 kilos, mais complètement gratuits? Oui. Oui. Oui. Nous, on vous offre en tout cas de quoi aller acheter vos fruits et légumes. Oh, c'est génial. 20 euros comme ça qu'on voilà, vous donne là. De bon. Maintenant. De bon pour des fruits et des légumes. Voilà, ce que vous à voulez. Condition de nous appeler c'est au 02 62 99 2000. Avant d'aller au marché, on a décidé de vous faire acheter justement des choses sur le marché. Voilà, c'est cadeau. Voilà. Vous nous appelez maintenant 02 62 99 2000. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Faisons notre petit marché ce matin avec 20 euros gracieusement offerts par Espace Fraîcheur. Faisons-le avec Marie, pourquoi pas. Marie de Saint-Paul. Ah oui, Marie de Saint-Paul oui. Qui est avec nous. Coucou bonjour, Marie. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle, bonjour Michael. Ça va Marie? Oui, très bien et vous? Vous avez une toute petite voix, vous venez de vous réveiller vous. Ah bah oui, maintenant il faut réveiller pour aller travailler. Ah bah oui, hein. On dirait c'est dur ce matin Marie. Hein. Eh ben oui. Ah bah oui, bon, on vous comprend. On est avec vous. Ah oui. Allez, on vous donne la pêche. On essaye. On vous donne les pêches aussi si vous allez peut-être oui. Pourquoi pas sur pêche, le marché les acheter. Bananes, ananas, salades, toutes citrouilles, toutes. Le bon de 20 euros, c'est pour vous. L'occasion, oui, bien sûr, j'irai. Bah oui, on vous en donne l'occasion, ça y est, il est là. Il est pour vous. On vous le donne, le bon de 20 euros. Il est pour vous, ma chère Marie, d'accord? Merci à vous. Bon. Qu'est-ce que vous allez... Et merci Espace Fraîcheur aussi. Ah bah oui, c'est notre partenaire qui vous fait ce beau cadeau voilà. Également. Marie, un petit message? Eh ben bonjour à tout le monde. Et puis, ben, pour ceux qui vont prendre le travail ce matin, eh ben, courage aussi. Hein. Eh ben voilà. Marie, en tout cas, vous avez une voix craquante le matin. Ah hein. Oui, hein. On a craqué, ah, oui. Hein. Oui. On a craqué, nous. Hein. Bisous, merci. Marie. Allez, bisous, bisous. Je vous embrasse aussi, merci. Bye bye. Allez, on va aller sur le marché avec Prisca. Dans un instant. Justement, marché de Sainte-Suzanne. Qu'est-ce qu'elle a encore découvert, Prisca? Oh là là. C'est la grande question. D'ailleurs, on remercie hein. Tous les bazardiers le matin qui oui. Ouvrent leurs portes, entre guillemets, à Prisca. Mm. Voici Omega. Combien de fois miwanou ensemble? Un jour, m'en trouve le bout, même si l'amour est impossible. Combien de fois ma rêve d'où? Combien de fois miwanou ensemble? C'est pour nous dire, c'est le bout de m'y croire encore. Même s'il est pas, c'est pour nous dire, yeah. M'y tient le bout, bébé, oui, m'y croire encore. Avec vous, veux vivre mon life. Girl, où est ma flamme? Girl, mami veut, donne à vous tout mon love. Girl, mami veut, donne à vous rien que le love. Oui, mami veut, c'est en fond dans mes bras. Non, non, non, pas meilleur que ça. Les mieux comme ensemble, faut vivre ça. Dis-moi combien de poèmes, combien de regards échangés, combien de fois nous fait la bise. Dis-moi combien de fois vous envahit mes pensées. Combien de jours, faudra combien de mois, combien d'années vais-je t'attendre? Ton sourire me charme et me tend. Oh my baby girl. tout son love, Isabelle. Ah bah c'est bien. Laisse ça. Le faire. Combien de fois demande Omega, mais le nombre de fois que tu veux, tu donnes ton love. Omega, viens faire ta déclaration. Pas de problème. Là, appelle-nous si tu veux même. Voilà, 0296 99 2000. Voilà. Alors. Comme ça que ça se passe. D'ici là, on va sur le marché avec Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca qui continue son tour en éviré dans le marché de Sainte-Suzanne. Cosa où l'a trouvé pour nous, Prisca? Sainte-Suzanne, Cosa où l'a trouvé pour nous, Prisca? L'ananas, saison est lancée. Le hein. fameux. Donc nous sommes avec Gladys. Gladys et Audrey, bonjour. Bonjour. Comment ça va les filles? Super. Ouais, super, je vois ça, vous êtes bien organisée, mais il est dans la case, moi, là, hein, c'est ça, dans le salon. Voilà, exactement. Donc la table est là, qu'est-ce qu'il y avait sur la table? Il y avait le petit-déj. Il y avait pain au chocolat et lait au chocolat. Alors, l'ananas, manga, vous connaissez ou? Oui, ils me connaissent, mais ils ne me vendent pas. Pourquoi? Ben, ils me vendent Victoria. Oui, je vois ça. Mais d'habitude, vous préparez des barquettes d'ananas, mais ce matin, il ne fait pas ça ou quoi? Si, en contre-bonheur. Ah, d'accord. À quelle heure vous allez commencer à préparer ces fameuses barquettes? 7h. À 7h? Bon, on pourra manger de l'ananas frais tout à l'heure en barquette. Voilà. C'est à combien la barquette? 2 euros. Et là, vous vendez des ananas en tas. Hein. Voilà, il y a plusieurs calibres. Exactement. Donc, c'est combien le tas? 2 euros. C'est pour ça qu'elle a envie de plucher. Voilà, les ananas, hein, je parle. Sinon, Mickaël et Isabelle, vous aurez des barquettes d'ananas. Chouette. Tout à super. À partir de 7 heures. En plus, tout à 2 euros. Donc c'est 2 euros. 2 euros. 2 euros. Au moins, c'est simple. Faut pas casser la tête, là. Ah, voilà. On va essayer de tenter de retrouver Johan. Johan, il est où? Ah, il est de l'autre côté. Il est dans le camion. Et je vous l'ai dit, hein, je ne sais pas si vous entendez le vent. Oui, ôté. Il y a aussi quelques nuages de l'autre côté quand je regarde vers Saint-Benoît. Ouais. Donc, si vous avez l'intention de venir nous rejoindre ici sur le marché forain de Sainte-Suzanne, prenez quand même un parapluie, on ne sait jamais. Ah, bonjour, Johan. Bonjour. Comment il est? Oui, ça va bien. Ça va? La lampe frontale est éteinte, là? Oui, elle est éteinte. Alors, venez, on va se rapprocher de votre étal là-bas, parce que là, ma partie cherche Johan dans le camion. Hein. Donc, Johan, vous avez ramené combien de bottes de cresson sur le marché forain de Sainte-Suzanne ce matin? En compte, j'ai amené 5 grosses bottes, mais là, j'ai fini le parking à peu près 40 à 50 paquets de cresson. Ça mange cresson, là, hein, aujourd'hui. Hein. Ah oui, on peut manger les cresson boucanés aussi. Oui. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire autrui, il a dit comme qu'on fait la salade. Enfin, quand on fait le rocaille boucané, on peut mettre ça dedans sur la fin. Ah, quand le boucané, la fine cuit, on veut dire. Ouais. D'accord, ça fait ressortir le goût du boucané. Sortir ouais. Le bout du boucané avec le goût du cresson. Voilà. Et Jean-Claude, tout à l'heure, il a donné aussi une suggestion, un menu. Lui, il mange le cresson avec des saucisses. Il fait un bouillon de cresson, il rajoute des saucisses. Et j'ai croisé aussi Chantal tout à l'heure qui, elle, utilise le cresson dans ses jus de fruits. Bah, je dis, bah, comment on fait, madame? En fait, elle prend du cresson, elle mixe tout avec du jus de citron, des betteraves. Et puis elle fait un petit jus comme ça le matin. Bah oui, c'est essayé, hein, pourquoi pas. Et presque à le cresson. Alors, combien ça coûte, là? Ah, ouais, bah voilà, le prix. C'est 1 euro. Un euro. On a changé. Un euro, voilà. C'est encore mieux. Un euro, ça va. C'est du cresson de Salazie. Le cresson de Salazie, de la voile de la mariée. De la voile de la mariée. Pourquoi? Elle a un autre cresson? Non. En fait, c'est des cressons d'eau. Voilà. C'est des cressons d'eau. Après, il y a cresson de terre aussi. Bien sûr. Donc là, ça pousse vraiment au prix du voile de la mariée. Donc à déguster ici, sans modération. Et vous savez, Isabelle et Mickaël, il y aura un panier garni à gagner tout à l'heure. Oui. Aussi. Oui, alors au lieu de 10h, moi je vous attends à partir de 8h15 ici sur le précis, marché forain de Sainte-Suzanne. Ah oui, c'est 8h15 avec ce mot de passe. Cresson avec Réunion Première. Et vous repartirez avec votre panier garni. Rendez-vous tout à l'heure. Merci Prisca. Salut Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, Cécile Thomas est installée. Un point sur l'actualité de ce 16 août. Dans un instant, sur Réunion Première, dans Grand Matin. D'ici là, voici Ben Rector, avec Brand New, dans toute la Réunion. Bon réveil à tous, bonne route. I feel like new sunglasses, like a brand new pair of jeans. I feel like taking chances, I feel a lot like 17. Take me right back when we were kids. Like when I close my Le réveil, ça se passe sur Première. Ben Rector, et voici Jean-Claude Machy, notre monsieur route, comme tous les quarts d'heure. Ah, il nous attend dans les rampes de Plateau Caillou. Oui, avec eh bien, une circulation qui commence déjà à se densifier, puisque nous sommes juste à la fin du viaduc de Saint-Paul en direction de Saint-Denis. Ça monte très très vite. Les rampes dans la partie basse, elles aussi, se remplissent. Et sur la chaussée royale, eh bien, depuis Plateau Caillou, en direction du giratoire Sabiani, la circulation s'est densifiée pour aller vers le giratoire Savannah, ainsi que vers la rivière des Galets, l'axe mix. Reste encore fluide, le pont Vincennes est dégagé. À l'entrée ouest de Saint-Denis, nous sommes ralentis uniquement au niveau de la caserne Lambert. Et la bonne nouvelle, le pont de la délivrance sera réouvert à la circulation demain, mais dans un seul sens, à partir de 6h jusqu'à 14h30, dans le sens est-ouest uniquement. Côté circulation en provenance de l'est, ça reste encore assez fluide pour l'instant. Un léger ralentissement au niveau du radar du Chaudron pour venir vers le barrage Foix. Le pont Pasteur, Léopold Rambaud, là, sur la circulation est encore fluide. Dans le sud, on a un petit ralentissement uniquement dans les rampes de Basse-Vallée derrière un tracteur. Alors, soyez patients, prudents, pas trop de difficultés. Pour l'instant, uniquement au niveau de Plateau Caillou pour aller en direction de Saint-Denis. Bonne route à vous. Merci Jean-Claude. Il est 6h30 sur la Première. Le journal de la rédaction présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Plus de 224 000 élèves de retour en classe. À partir de demain, aujourd'hui, ce sont les professeurs qui reprennent le travail. Les chiffres de cette rentrée dans ce journal. À 7h15, Philippe Dornier recevra Marie-Hélène Dor, co-secrétaire départementale de la FSU. Petite affluence à Piton-Sainte-Rose pour le pèlerinage de la Vierge au Parasol hier. 7 000 personnes environ, alors que 10 000 pèlerins étaient attendus. La rentrée des politiques, c'est pour bientôt, car 2017 se prépare maintenant, avec notamment l'organisation de primaires pour la droite et le centre. Nous ferons le point avec Sophie Persson. Et puis nous parlerons cyclisme et Jeux Olympiques à la fin de cette édition. Les vacances sont terminées pour les professeurs. Retour en classe aujourd'hui pour préparer l'arrivée des élèves. Demain, l'Académie de la Réunion accueille cette année 224 350 élèves. L'effectif des enseignants et du personnel encadrant a été renforcé. Les chiffres avec Johan Adamadorassi. Légère baisse des élèves inscrits au sein de l'Académie de la Réunion cette année. Elle comptabilise 224 350 écoliers, collégiens et lycéens, soit 143 élèves de moins que l'année dernière. Et c'est le premier degré qui est le plus chargé, avec 118 510 élèves de maternelle et d'élémentaire. Pour le second degré, c'est un peu moins, avec 101 600 collégiens et lycéens. À cet effectif s'ajoutent néanmoins les 4 240 étudiants en post-bac de lycée. Des élèves qui seront accueillis par 16 129 enseignants. Un effectif renforcé cette année par 100 postes supplémentaires, dont 80 pour le premier degré. Une rentrée marquée par une augmentation de l'accueil des élèves en situation de handicap. De 1781 en 2015, on passe à 4750. Et puis on verra cette année l'alignement des rythmes scolaires dans toutes les communes de Lille et l'entrée en application de la réforme des collèges. Johan Adamadorassi, la rentrée c'est demain, sauf pour quelques élèves dont les établissements sont toujours en travaux. C'est le cas à l'école Denise Salaï de Saint-Benoît. La rentrée est décalée à vendredi au lycée Jean Inglot au Port et Évariste de Parny à Saint-Paul. La rentrée se fera le mardi 23 août. La rentrée scolaire, on en parle ce matin sur Réunion Première avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit Marie-Hélène Dor, co-secrétaire départementale de la FSU. Rendez-vous dès 7h15. Beaucoup moins de monde qu'attendu hier à Piton-Sainte-Rose pour la messe de l'Assomption. Le pèlerinage de la Vierge au Parasol a rassemblé 7000 personnes. Cette année, un important dispositif de sécurité avait été mis en place. Fouille des voitures et des sacs. Et malgré la pluie, la ferveur était au rendez-vous. Si je viens, c'est pour surtout prier pour mes enfants et pour moi-même, la santé. Moi, les chrétiens, ben, nous venons faire tout la messe. Pas souvent, ça va, on a l'occasion de venir. Quoi conseil apporte à vous? Comme tout, la joie, le bonheur d'être là. Ben oui, l'important, prier pour voir les amis aussi, pour la santé, la paix dans le monde. Fais-nous du bien, prier et louer le Seigneur. Et où demande-nous des choses en particulier à la Vierge? Surtout le discernement, le bien et le mal, c'est ce qu'il me demande toujours. et d'avoir avancé bien dans le droit chemin. La Vierge Marie, ben, c'est notre maman, la maman du ciel, notre protectrice. Donc l'important pour nous d'être là, voilà, de prier à elle. Nous connaissons une Vierge qui protège la famille. Si on demande à elle des grâces, nous connaissons qu'elle y accorde. Et voilà, le cœur est avec la Vierge au parasol. Dommage que la pointe beaucoup de monde par rapport aux autres années. Il fait mal le cœur, mais après, ben, nous fait avec. Des propos recueillis par Mélodie Nourry et à la Possession, une centaine de personnes se sont rassemblées hier pour rendre hommage aux pêcheurs disparus en mer. C'est aussi une tradition du 15 août. Après la messe, une procession avec la Vierge Marie était organisée jusqu'au petit port de la commune. Une centaine donc de personnes s'est recueillie à cette occasion dans les mémoires. La tragédie du 28 février 1962, au cours de laquelle 9 pêcheurs possessionnais sont morts en mer à cause du cyclone Jenny. On parlait tout à l'heure de la rentrée des classes, elle sera suivie de près par la rentrée politique. Dans le viseur, l'année 2017, année électorale pour préparer l'échéance. Des primaires sont organisées à droite en vue de la présidentielle et les militants seront invités à se prononcer en novembre. Une primaire de la droite et du centre qui permettra donc de désigner le candidat pour la présidentielle. C'est la première fois que ça se passe comme ça chez les Républicains et la date limite pour les dépôts de candidature a été fixée au 9 septembre. Sophie Persson. Le 9 septembre, on aura la liste de tous les candidats à cette primaire de la droite et du centre. Et si personne ne doute que Nicolas Sarkozy en fera partie, il ne s'est pas encore déclaré. À La Réunion, comme partout en France hexagonale, la liste définitive des bureaux de vote sera connue. À la fin du mois de septembre, on en prévoit normalement 79. Le président de Les Républicains, Michel Fontaine, a sollicité les maires afin qu'ils mettent à disposition ces bureaux. C'est une élection organisée par un parti et ce n'est donc pas l'État qui paie. Ainsi, les électeurs devront-ils débourser 2 euros pour participer. La campagne n'a pas été très animée pour le moment à La Réunion. Quelques visites, dont celle d'Alain Juppé, de Bruno Le Maire ou encore de Nicolas Sarkozy, mais pas de prise de position forte de la part des élus locaux. On sait malgré tout que le président de la région, Didier Robert, est proche de François Fillon. Pour se faire une idée sur les candidats, des débats ont été prévus dans les médias et le premier aura lieu le 13 octobre. Sophie Persson, entre 25 000 et 30 000 visiteurs pour Floréal, bilan mitigé, suivant les exposants au-delà des ventes. Le thème a, semble-t-il, beaucoup accroché les visiteurs cette année. Il parlait de gourmandise puisqu'il s'agissait de fleurs dans nos assiettes. Pourtant, Floréal avait de la concurrence ce week-end, entre autres la rentrée scolaire, Hubert Debeu. Le matériel scolaire des marmailles acheté, les parents ont pu s'occuper de leurs fournitures pour passer le temps durant l'école. Et souvent, leurs fournitures, ce sont les plantes, histoire de passer un moment dans le jardin. Mais visiblement, le Floréal 2016 n'a pas été un bon cru. Un mauvais bilan. Les gens ont moins acheté que les années passées, quoi. C'est pas mal. Les deux premiers choix, ça a été un peu timide. Assez mitigé. Économiquement, ça devient de plus en plus difficile. Pourtant, les visiteurs étaient bien là. Mais c'est peut-être le thème du salon qui les a attirés. La gastronomie florale. Les fleurs leur ont plutôt ouvert l'appétit. Karine Infante, la directrice de la halle des manifestations du port. Une note d'innovation, de modernité, mais surtout a suscité la curiosité de peut-être de nouveaux visiteurs. Les visiteurs sont donc venus la fleur au fusil. Pourtant, il y avait des belles plantes sur le salon. Une exposante a sorti son épingle du jeu, ou plutôt des pots. Je fais un tabac avec les plantes médicinales et aromatiques, monsieur. Il n'y en a pas un qui reste tout pas. Les gens recommencent à planter les plantes pour se soigner eux-mêmes. Entre 20 et 25 000 visiteurs ont fréquenté Floréal durant 5 jours. L'an prochain, les organisateurs travaillent sur l'organisation d'un salon par mois avec des thèmes divers. Le premier pourrait être le salon de la photo. On passe au sport avec du cyclisme et le tout premier Grand Prix des commerçants de Sainte-Anne a été remporté par Franck Parmentier hier. Le coureur du vélo club Saint-Louisien s'est imposé sur un circuit inédit de 98 km tracé entre le pont de la rivière de l'Est et le chemin de Ceinture. Le chrono du vainqueur, 2h37 minutes et 52 secondes. Il devance Jean-Denis Armand et Julien Bernard. Une soixantaine de coureurs avaient pris hier le départ de cette course. L'une des dernières épreuves avant le grand rendez-vous de la saison, le 70e Tour de l'Île cycliste, Olivier de la Richaudie. 9 étapes, 730 km de course et la présence des cadors du championnat de France amateur. Le 70e Tour de l'Île cycliste devrait tenir ses promesses en termes de challenge. À 2 semaines du coup d'envoi, au Vélo-Club de Saint-Denis, les reconnaissances sont presque bouclées. Julien Maillot, 19 ans, affiche clairement la couleur. On prépare les courses classe des cannes et tout, bon, on a fait 2e et tout, mais bon. Mais là, c'est tout lié dans la tête et faire un bon résultat. Faut bien rayonner, 2e. Pour ne pas perdre le rythme, une dizaine de réunionnais s'envolent la semaine prochaine pour Maurice, qui organise aussi son Tour de Lille. 4 coureurs du Sainte-Marie Vélo Club y seront, parmi eux Jean-Denis Armand. Surtout, ça va s'il y avait des gars comme moi qui ont coupé un petit peu, levé le pied sur l'entraînement. Là. Ça va m'aider pour le Tour de l'Île de la Réunion, je pense. Hein. Vainqueur de la classique des Cannes et de l'étoile de l'océan Indien, Franck Parmentier fait partie des meilleurs espoirs pays. Le Saint-Louisien a lui aussi choisi de peaufiner sa préparation dans l'île sœur. C'est vrai que la course là-bas elle est différente d'ici, ça court pas pareil. Le niveau est élevé aussi. Puis là-bas ça court vraiment différemment vu que le terrain est dégagé et c'est souvent des coups de bordure, le placement important et il y aura Sylvain Georges donc ça va être déjà très bien pour se jauger à comparer à lui quoi. Sylvain Georges qui sera lui aussi de la partie pour le 70e Tour de la Réunion, tout comme Thomas Rostolland, le champion en titre. Un reportage d'Olivier Delarichaudy. Habituellement, c'est la pire des places. Terminée 4e au pied du podium, la médaille en chocolat. Mais pour Marine Boyer, c'est une très belle performance. La jeune réunionnaise souhaitait terminer dans les 5 premières à la poutre au JO de Rio hier. C'est fait. Elle avait créé la surprise au championnat d'Europe. Elle confirme aujourd'hui. Bravo à elle. Et puis cet autre résultat au JO, victoire des handballeurs français hier face au Danemark en quart de finale du tournoi olympique. Daniel Narcisse et ses coéquipiers affrontent le Brésil chez lui. Bon courage, on est confiant avec les experts. Merci Cécile. Merci. Alors qu'on regarde aussi ce que fait Renaud Lavillény en ce moment sur Réunion Première en télévision. Ça passe largement. En direct, en route. Il est content. Hein. C'est parce qu'il s'entraîne à La Réunion, oui, il s'entraîne bien. Bien sûr que c'est pour ça. Il a de bonnes conditions. Ben oui. Grâce à nous en fait. Ben oui. Non, c'est surtout grâce à lui. Non, c'est grâce à nous. 6h41 sur La Première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Et dans le ciel, c'est gris à l'est et au nord pour se lever du jour. Oui, alors ça va changer. Les éclaircies vont revenir un petit peu plus vite qu'hier. C'est ce que nous dit Météo France entre Saint-Denis et Saint-Philippe. Alors qu'à l'ouest et au sud, le soleil est déjà prédominant en ces premières minutes du jour qui va se lever là. Non, allez. 2 minutes à peine sur le département, les températures relevées, 4 volcans, 20 au Piton Sainte-Rose, 19 à Saint-Gilles et 8 degrés dans le cirque de Sillaos où il y a une petite farine de pluie en ce moment. Puis à signaler du vent bien présent encore aujourd'hui, un vent sur le nord, le sud et l'est avec une mer forte et donc agitée au vent dans l'est et le sud avec une houle d'alizé. Donc soyez prudents aux abords du littoral et si vous prenez la mer. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlabaudou.com. On file à Villèle, c'est là-bas que nous attend Jean-Claude Machir. Et avec une petite fraîcheur matinale en montant dans les hauts, 19 degrés à l'extérieur, avec une petite brise légère, mais une circulation qui reste assez fluide sur cette départementale en direction de Plateau-Caillou et de Saint-Gilles. Alors vous êtes déjà nombreux, comme je vous le disais, sur cette route des Tamarins en direction de Saint-Denis. Beaucoup de monde aussi à l'entrée ouest. L'entrée est reste encore fluide avec un léger ralentissement au niveau du radar du Chaudron. Et dans le sud, circulation plutôt fluide là aussi. Boulevard Vanxpan, encore de grosses difficultés dans la descente des Azalées pour aller vers Mont-Caprice. Sous la bretelle de sortie en direction de la Balance, il y a un léger ralentissement sur cette bretelle pour arriver au giratoire des Casernes. Sinon, le boulevard Banks, lui, est encore dégagé. Les zones industrielles numéro 1 et 2, les bretelles, bien sûr, sont encore assez fluides. Dans l'Est, pas de grosses difficultés entre le giratoire de la Plaine et de Bracanote. Un léger ralentissement entre ces deux giratoires. Et sachez que sous la route nationale 2, du côté de Saint-Joseph, dans les rampes de Basse-Vallée, pour permettre des travaux de sécurisation de la falaise, il y aura des micro-coupures à partir de 8h30. Des micro-coupures qui ne devraient pas excéder 45 minutes. Soyez prudents et bonne route à vous. Merci beaucoup Jean-Claude Machir. Rendez-vous tout à l'heure pour un nouveau Point Route. Et nous, on va continuer de dérouler cette matinée, ce début de matinée. J'aime bien avec quand vous. Tu dis ça, on déroule la matinée. Nous déroulons disons pour un vous. Grand tapis rouge. Un grand tapis. Comme ça. Bon, on va le faire ensemble. Pas facile le matin, comme ça, de prendre lourd, le chemin. Un gros tapis comme ça à dérouler. Hein. Oui, surtout le matin, quand on a les yeux un peu. Tout taqué. Oui, c'est ça. Dur pour ouvert. Le corps un peu crasé, c'est normal. Bah, c'est normal. Tout cela, ce sont des mots du matin. Ah, oui. Les mots, M-A-U-X, du matin. Oui. Mon psychanalyste. Oui. Philosophe. poète, si vous voulez aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait avant 7 heures? Alors, avant 7 heures, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec vous? Les unes de la presse, bah à oui. 6h50, avec Cécile Thomas. Pour savoir ce qui se passe et que retient, que retiennent nos journaux de l'actualité d'aujourd'hui, vous saurez tout dans un instant. À un jour de la rentrée, on ira voir une tati, c'est ce qu'on appelle oui, une tati dans les cours d'école. Bah oui, elles sont notamment avec nos enfants en maternelle importante, les taties. Et ben on en aura une tout à l'heure au bout du fil, mon cher Michael. Et puis, forcément, on viendra avec de la musique, et notamment Jessica Percé, Zoro Chong, Yin Yang, qui nous accompagneront dans quelques secondes. À condition de rester ici, bah oui, dans Grand Matin. Bah alors, ça, on veut aller en même temps. Surprenant. Bah oui, bah oui. Restez là. On est bien. À tout de suite. Alors. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Le duo Jessica Percé, Zoro Chong, on vous l'avait promis. Oui. Mais ils sont là. Allez, c'est parti. Le Yang. Avec vos messages, hein. Ah vous oui, pouvez nous envoyer 06 92 70 2000. Le numéro a changé. 06 92 70 2000. Mieux vaut deux fois qu'une. Oui. On salue Benjamin déjà qui est avec nous. Sarah de Saint-Pierre qui nous a écrit un petit message, ça fait plaisir. Bisous. Bon réveil la Réunion. Bah oui. Bonne route à vous. Bisous. C'est Grand Matin. Même si des fois la vie donne pas l'espoir, il faut pas pour salir sur le trottoir. Et puis crois-moi, la vie c'est un gros bizarre et ne vit rien tout de là. Et pourquoi tout ça? Ne peut pas garder le yin, jette le yang. Ne peut pas garder le yang. Et pourquoi tout ça? Ne peut pas garder le yin, jette le yang. Ne peut pas garder le yang, jette le yin. Nous vivons dans l'obstination, perdus dans la confusion entre le bien et le mal. Là même le doute y installe. Nous vivons dans l'évolution, nous oublions même nos traditions. Il devient infernal, il faut garder le moral. On aura toujours des riches et sales, les misères comme fait noir avec la lumière. On aura toujours la tentation pour défier la raison, mais faut l'esprit l'éclaire. En faisant le bien, des fois nous fait le mal, tout ça y fatigue le cœur. Nous n'aura beau essayer de comprendre, mais c'est un mystère. À force pense trop dollars, tu finis dollars. En sautant de dollars, tu finis cochard. Comme des fois, nous l'a besoin la foi. Ça, ça trouve chemin, la croix. Et pourquoi tout ça? Ne peut pas garder le yin, jette le yang. Ne peut pas garder le yang. Jette le yin. Et pourquoi tout ça? Ne peut pas garder le yin, jette le yang. Ne peut pas garder le yang, jette le yin. Ne peut pas garder le yin, pour nous jette le yang. Ne peut pas garder le yin, pour nous jette le yang. Ne peut pas garder le yin, pour nous jette le yang. Non non non, ne peut pas garder le yin, pour nous jette le yang. Ne peut pas garder le yin. Alors, chantez-vous chez vous, allez. Jessica Percé, Zoro Chong sur la première. Yin Yang sur première. Le litchi, c'était le petit nouveau de la matinale depuis hier. Bah oui. On l'a pas perdu en chemin. Jamais. Elle va nous parler des cours qu'on n'a pas et qu'on pourrait avoir quand même. Aïe, aïe, ça aïe. Pourrait nous servir dans notre vie. Aïe aïe aïe. Écoutez plutôt, c'est les embocales quotidiens du litchi. À quoi sert l'école? Que ça l'a apprendre durant toutes ces années assis sur un banc à écouter un prof? Moi, l'ai appris à utiliser un compas avec un rapporteur, conjuguer le verbe naître au passé simple, je naquis, tu naquis, il naquit. Je sais faire la différence entre le fémur et l'omoplate, ce qui est vachement pratique quand on essaye d'expliquer à un docteur où ça en a mal après qu'une bande de jeunes ou de quartier la tabasse à eau pour voler ou de scooter. Sinon, moi, l'ai appris plein d'affaires passionnantes par cœur. 498, baptême de Clovis, 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, 1789, prise de la Bastille. M'a toujours été fier de tout que ça m'a retenu de mon bain-cours d'histoire. À une époque, personne n'était botte à moins trivial poursuite. Puis, un ami d'oreille la demande à moi un jour à quelle date la Réunion est devenue française. Et là, blocage. Incapable, répond Ali. Mama, il m'y cache pas autre que jour-là m'a eu mal. M'a compris que m'y t'y connais pas les bases de l'histoire de mon île qui n'est pas comme les autres îles. Pourtant, m'y jure à zot, m'y t'es pas couillon d'école. M'a quand même eu mon bac avec 14 de moyenne. Hashtag Vanta. M'a repris mes cours d'école pour vérifier d'où venait le problème. À part 2-3 polycopiés, il n'avait point rien sur l'histoire de la Réunion. Bon, après, il était dans l'école publique la misère. Ça se trouve, les gens riches doivent apprendre mieux que nous. On m'a dit que les enfants du privé étaient plus intelligents. En même temps, quand tu payes aussi cher et que tu fais mettre un uniforme sur ton enfant, c'est forcément pour qu'il devienne le premier astronaute réunionnais ou, à défaut, ministre de l'égalité réelle. Bref, j'ai demandé à une amie issue de l'école privée si elle pouvait me placer les 24 communes de l'île sur une carte. Que ça m'a parti de m'en aller. Non mais les avirons quoi, c'est où les avirons bordel? Quelle idée d'habiter là-bas aussi? Et Sainte-Anne, t'es sûr que c'est pas une commune? Elle pouvait placer tous les pays européens sur une carte, mais les 24 communes de l'île, pas capable et pourtant d'aller essayer. On en savait plus tous les deux sur un territoire à 8000 km que sur la commune d'à côté. Imagine la honte. Du coup, m'a senti à moins obligé d'acheter ban livre sur l'histoire de la Réunion. Bon, m'a jamais ouvert et la poussière y prend dessus dans mon bibliothèque, mais au moins Minena bonne conscience. Quand de mon y vient la case, ça fait genre « je m'intéresse à l'histoire de l'île, je suis un être cultivé ». Non mais m'y vois que vous êtes en train de juger à moi des autres radios là. M'y autorise pas zot. Nous toutes la pleurer quand Sudel Fumal est mort, mais combien gagne dit à moi sans regard sur Google ou Wikipédia la date de prise de possession de l'île par les Français? Quel est le nom de notre premier gouverneur? Combien de temps la Réunion a été anglaise? Je ramasse les copies dans 10 minutes. Ça risque d'être compliqué. Je crois que je vais avoir zéro. Qu'on retrouve cet après-midi chez David dans le bon tempo entre 16h et 18h. Cécile Thomas nous a rejoint pour les unes de la presse, comme tous les jours à 6h50. Cécile, les unes sont-elles ce matin intéressantes? Bien sûr, on commence avec le journal de Quotidien. 6500 pèlerins à la Vierge au parasol, appel à la prière pour la France, titre le journal. Autre titre, au JO de Rio, 100 mètres, Usain Bolt sans partage et en gym, Marine Boyer a terminé 4e. Maltraitance animale, éveiller les consciences. Le Quotidien qui choisit aujourd'hui de revenir sur la venue du pape Jean-Paul II à la Réunion dans sa rubrique 40 ans avec le Quotidien. La rentrée scolaire en une du journal de Lille. 224 350 élèves reprennent les cours. Les points chauds de la rentrée, écrit le GIR, problème de sécurité, réforme des collèges, retard dans les travaux. La rentrée scolaire s'annonce animée pour le GIR. Messe de l'Assomption, un pèlerinage sous haute sécurité, Rio 2016, Bolt encore plus dans l'histoire avec un grand H, écrit le GIR, en handball. Narcisse et les Bleus se rassurent en battant le Danemark en gymnastique. Marine Boyer est au pied du podium. Dans la presse nationale, la rentrée scolaire également en une d'aujourd'hui en France. Et l'achat des fournitures intéresse le journal ce matin. Les bons plans pour une rentrée réussie à 2 semaines de la rentrée des classes en métropole. La rue est vers les cahiers et les stylos commence maintenant. Autre titre avec une photo, Nicolas Sarkozy sur son vélo. Sarkozy veut créer la surprise quand il n'est pas sur son vélo. L'ancien chef de l'État en vacances au Cap Nègre dans le Var prépare activement son entrée en campagne que son entourage promet tonitruante. Donald Trump en une du Figaro. Trump au bord de la rupture, malgré sa chute dans les sondages et une défiance croissante dans son propre camp, le candidat républicain à la Maison-Blanche croit toujours à ses chances et refuse de réorienter sa campagne, écrit le Figaro. Autre titre en Corse, le burkini ravive les tensions communautaires. La situation des réfugiés en une du journal Le Monde. L'Allemagne se divise sur l'intégration des réfugiés. Angela Merkel fait sa rentrée dans un contexte politique qui n'a jamais été aussi tendu depuis son arrivée au pouvoir en 2005. Le gouvernement allemand a annoncé un net durcissement des politiques sécuritaires face aux risques terroristes. Autre titre, violents incidents entre Corses et Maghrébins. 4 personnes ont été blessées lors d'une violente rixe. Une vive altercation a opposé 3 familles musulmanes dont les femmes étaient voilées à une dizaine d'adolescents. Des enfants assis au bord de l'eau, une mer bleue turquoise en une de Libération ce matin. Une photo pour illustrer le tourisme humanitaire, la tendance de l'été pour Libé. Les ONG s'inquiètent du nombre croissant de ces voyageurs solidaires aux actions généreuses mais contestables comme raconte le journal. Autre titre qui attise aussi la curiosité, j'étais rewriter de romans à l'eau de rose. Didier Da Silva, écrivain, raconte ses années de traduction pour les éditions Harlequin. Un homme en une de l'équipe, le plus rapide de la planète. Et oui, le rêve continue, titre Le Quotidien Sportif, premier titre, triple champion olympique du 100 mètres de l'histoire. Usain Bolt s'attaque cet après-midi au deuxième volet de son pari avec le 200 mètres. Eh ben, on verra ce que ça donne. Merci Cécile. Et comme chaque matin, on réveille la Réunion, on réveille les Réunionnais et les Réunionnaises, et parfois des inconnus aussi. Voilà, on a décidé, par exemple, de s'intéresser à la rentrée, à J-1 de celle-ci, ce matin, et notamment à ses tatis. Elles vous veulent du bien, veulent surtout beaucoup de bien à vos enfants. Pour ceux qui ont des marmailles qui ont été à l'école maternelle, en petite section, en très petite section, en moyenne ou en grande section, eh bien, les maîtresses ou les maîtres sont accompagnés de ces tatis. Un beau métier, un dur métier, un métier qui fait battre le petit cœur souvent. Il y a beaucoup d'émotions pour les tatis. On se rappelle forcément de notre tati. Bah oui, d'ailleurs on les appelle tati, pas madame tati. C'est bien qu'il se passe quelque chose. On en a une justement avec nous ce matin. Exactement, elle s'appelle Patricia et elle est tati depuis presque 30 ans, imaginez-vous. Bonjour Patricia. Bonjour Isabelle, bonjour Michael. Il dérange pas dans ses yeux assis là, c'est bon, fine bien réveillée Patricia. Oui, elle a fini réveillée, elle est allée en forme pour reprendre. Pour commencer, on reprend aujourd'hui déjà? Ça y est, depuis vendredi. Ah, depuis la semaine dernière. Oui, parce que les tati aussi, elles s'occupent de la classe Patricia, c'est ça hein? C'est ça même, c'est ça. D'accord. Même. Il faut préparer la classe, le nettoyage et tout avant que l'enfant arrive. Bon. Est-ce que Néna a encore le stress de la rentrée pour où, Patricia, même si vous finissez rentre au moins depuis 30 fois déjà? Ça en a toujours, parce que les petits, là, ils arrivent avec les pleurs et tout. Ouais. Voilà. Après, nous ne pouvons pas faire attention de ne pas retransmettre notre stress. Et nous, adultes, voilà... bouchon qui arrive, ça c'est sûr, les parents, c'est les parents aussi, il est stressé, donc voilà. Justement, Patricia, vous parlez des pleurs. Est-ce que quand on voit un enfant pleurer comme ça, est-ce qu'il faut être sa deuxième maman ou c'est à éviter? Il ne faut pas forcément se comporter de cette façon-là. Il ne faut pas. Il faut tout faire pour rassurer l'enfant, voilà, mais on ne prend pas la place de la maman, loin de là. Oui. Mm-hmm. Loin de là. On les rassure, on essaie de les mettre en confiance surtout. Ouais. Les calmer, tout ça, mais pas prendre la place de la maman. Alors, même si Patricia Zotti ne prend pas la place de la maman, mais Nana a un lien particulier qui unit ensuite tati et les marmailles. Oui, tout à fait. Comment vous pourrez définir ce lien là-haut? Comment on pourra définir ce lien là? C'est. Un attachement pour les marmailles. C'est forcément. Un lien soudé, un lien rapproché. C'est un lien rapproché qui est soudé, Patricia, avec ses marmailles, toute l'année. Oui, tout à fait, il y a un lien, Est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a des moments forts comme ça dont vous vous rappelez, certains marmailles qui sont encore dans votre tête? Ah, ils restent toujours, oui. Un enfant qui arrive, aujourd'hui, veut pas voir la scène, que ce soit la scène, il veut pas du tout voir, il pleure, machin. Ouais. Et après, quelques minutes, quelques heures après, dans la journée, ça se passe bien, il détache plus, il accroche, ça va là, on prend la blouse de la scène, et la scène aussi se rapproche de l'enfant, voilà. Ça, c'est... Ça fait du bien. On va dire tous les jours, oui. Ça fait du bien. Très bien. Patricia, ça nous souhaite à vous encore une bonne rentrée. Belle rentrée. Ouais, merci beaucoup. Occupe bien le tati bouchon qui s'appellerait demain. Oui, ça. Mais bon, mais. Ils ont besoin de vous. Merci beaucoup. Bonne rentrée à tous. Merci beaucoup. Et bonne journée. Bon courage à vous, Patricia. Patricia, bye bye. Allez, on file sur l'hippodrome.

On passe au sport en cyclisme. Après la classique des Cannes et l'étoile de l'océan Indien, Franck Parmentier a remporté hier le tout nouveau Grand Prix des commerçants de Sainte-Anne. Une course de 98 km disputée entre le chemin de ceinture et le pont de la rivière de l'Est. Une course qui ne ressemble à aucune autre dans l'île. Une vraie bonne surprise pour Franck Parmentier. Il y a du faux plat, il y a du vent de face. Après, c'est une course, il faut courir de l'avant. C'est intéressant du côté tactique. Et puis, il y a quand même la rivière de l'Est. C'est sûr que ce n'est pas une côte, c'est un long faux plat montant avec du vent de dos, de face, parce que ça tourne et ça revient aussi. C'est un parcours quand même assez sélectif. C'est vrai qu'il n'y a pas de gros pourcentage, mais il faut quand même avoir un petit peu de force pour y aller, quoi. C'est rare d'avoir un circuit comme ça à La Réunion. Ça ressemble, je pense, au circuit que les meilleurs amateurs français font en France, vu que c'est rarement des petits circuits, c'est plutôt des grandes courses comme ça. Et franchement, c'est vraiment un super parcours. J'espère qu'on le refera l'année prochaine. Franck Parmentier, vainqueur du Grand Prix des commerçants de Sainte-Anne, interrogé par Olivier de la Richaudie. Un mot des Jeux Olympiques de Rio avec la performance de Marine Boyer. La Réunionnaise termine quatrième à la poutre au pied du podium, mais elle voulait terminer dans les cinq premiers, objectifs atteints. Donc, malgré tout de même une petite déception. Déception également pour Renaud Lavillenie, médaille d'argent uniquement à la perche. On en reparle tout de suite avec nos confrères de France Info. Et c'est raté pour Renaud Lavillenie. Il n'est pas double champion olympique de saut à la perche. Le Français se contente de la médaille d'argent battue par le Brésilien Thiago Braz devant son public. Le Clermontois n'a pas réussi à franchir une barre à 6,03 m. Le stade olympique qui n'a décidément pas souri non plus à Pierre-Antoine Boss. Il a terminé au pied du podium, quatrième sur le 800 mètres. Petite consolation du jour en athlétisme, les qualifications de Romain Bescou et Pascal Martineau-Lagarde en demi-finale du 100 mètres haies. Ça passe aussi pour Mélina Robert-Michon. L'Isèroise s'est qualifiée pour la finale du lancer de disque. Les volleyeurs français ont rectifié le tir dans leur match couperet face au Brésil. Un set partout entre les deux équipes. Les Bleus doivent gagner pour être sûrs de jouer un quart de finale du tournoi olympique. Un lundi compliqué donc pour la France au JO. Les Bleus ont aussi longtemps cru à la breloque pour Thomas Bouda en cyclisme sur piste. En tête la nuit dernière sur l'épreuve d'Omnium, il a finalement terminé cinquième cette nuit. Et que dire de l'argent retiré du coup d'Aurélie Muller en 10 km en eau libre? La Française a été disqualifiée pour avoir gêné une concurrente directe à l'arrivée. Heureusement, le boxeur Souleymane Sissoko a décroché la seule médaille du jour pour la délégation tricolore avec du bronze. Au moins 11 morts dans des bombardements sur un hôpital au Yémen, selon l'ONG Médecins Sans Frontières, qui annonce aussi le décès de l'un de ses membres. Des raids aériens menés hier dans le nord du pays par la coalition arabe alliée du pouvoir. Les zones visées sont contrôlées par les rebelles houthis, fidèles à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, qui se dispute le pouvoir depuis 2 ans avec le chef d'État actuel. Moscou et Washington ont annoncé hier être proches d'un accord pour une coopération militaire à Alep, en Syrie. La ville est l'un des conflits urbains les plus dévastateurs au monde, a déclaré le président du Comité international de la Croix-Rouge. La seconde ville du pays est toujours divisée en deux. À l'est, des quartiers dirigés par les insurgés, l'Ouest est contrôlé par les forces du régime. François Hollande sera reçu mercredi au Vatican pour une audience privée avec le pape. Les deux Français doivent aborder les suites de l'assassinat du prêtre Jacques Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray il y a 3 semaines. L'annonce de ce déplacement survient alors que les catholiques célébraient l'Assomption hier, notamment à Lourdes, placée sous très haute sécurité en raison de la menace terroriste. Ils étaient près de 22 000 fidèles à suivre la messe du cardinal Barbarin. L'archevêque de Lyon a prié pour une France bouleversée, selon lui, depuis les attentats qui ont touché le pays. C'est le 19e homicide par arme à feu dans les Bouches-du-Rhône. Cette année, un homme de 56 ans a été abattu cette nuit dans un quartier du sud de Marseille. La victime était connue des services de police. Un tour de France à vélo pour trouver du travail, c'est ce qu'a démarré ce lundi Michel Catoire, à 50 ans et au chômage depuis 2008. C'est la deuxième fois qu'il se lance dans une telle aventure. 3500 km pour dénoncer la situation des chômeurs et remettre aussi quelques CV. Merci d'être avec nous sur la première. Il est 7h12. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et là quand même, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Mickaël, les nuages matinaux se dissipent côté. Ouais, ils seront moins accrocheurs qu'hier, ils étaient génial. Bien présents. Les averses aussi, forcément, qu'on avait hier matin, bah, ne sont plus aujourd'hui. Hein. On a quand même un peu de grisaille au lever du jour sur Saint-Benoît ou encore Saint-Philippe, mais elle devrait s'estomper, cette grisaille, au profit d'éclaircies qui seront majoritaires sur l'ensemble de la Réunion. L'après-midi, les hauteurs de l'ouest vont avoir le droit à leur lot de nuages. Ah, bah. Entre la Possession et Trois Bassins, notamment, là, le ciel va devenir un peu plus menaçant, mais sans donner trop de pluie. D'après Météo France, le soleil restera, lui, bien présent sur le littoral, notamment vers Saint-Pierre. Les températures au lever du jour, ben, sont fraîches. Hein. Mmh. On l'a dit tout à l'heure, à peine 4 degrés au volcan, 9 au Maïdou ainsi qu'à Petite France. Et puis le thermomètre va remonter, 21 à Saint-Denis. Cet après-midi, on ira jusqu'à 26 degrés sur Saint-Gilles. À noter le vent, toujours présent, 70 km/h sur le nord et le sud. Et une mer forte sur l'est de l'île et le sud, avec une houle d'alizé bien présente. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et on fait un nouveau point de trafic. Jean-Claude, vous êtes route Hubert de Lille à Trois Bassins. Oui, sur la route Hubert de Lille avec une température plutôt fraîche, hein, 17 degrés ici sur cette route Hubert de Lille, mais une circulation plutôt fluide sur ce bel axe. Alors beaucoup de monde, je le rappelle, encore du côté du viaduc de Saint-Paul en direction du port, circulation très dense sur la route du littoral. Nous sommes maintenant à la pointe du gouffre en direction de Saint-Denis avec un pont Vincennes qui est rempli de moitié en direction de Belle-Pierre. Sur le boulevard sud, la circulation là aussi se densifie en provenance de la Technopole pour aller vers Champfleury. Et sur le front de mer de Saint-Denis, circulation qui reste très dense. Il en est de même si vous êtes à l'entre-deux pour aller vers la nationale. La circulation s'est densifiée en provenance de l'entre-deux sur la route de l'entre-deux. Il en est de même au niveau du giratoire de la Palissade pour aller en direction de Saint-Louis. Et sur le sud, bien beaucoup de monde aussi dans les rampes de Manapané. Circulation très dense après le giratoire de la Caffrine. Une situation qui commence à se densifier dans les deux sens. Soyez prudents et bonne route à vous. C'est 7h14 en toute l'île, grand matin, jusqu'à 8h. On vous accompagne. Et dans un instant, Philippe Dornier fait sa rentrée à côté de nous en ce moment et il accueille son premier invité de la saison. Oui, c'est Marie-Hélène Dor qui est co-secrétaire départementale de la FSU. On revient dans quelques secondes, restez là, on vous rappelle le numéro pour réagir ce matin, le 06 92 70 2000, c'est le numéro SMS. Attention, c'est nouveau ce numéro, faut bien le noter pour ne pas l'oublier. 2000, et puis au standard, au 02 62 99 2000. Et ça n'a pas changé. Tu es étudiant, jeune actif, tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement, tu veux te faire un réseau. Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Première. 7h16 sur la première, c'est l'heure de l'invité de la matinale avec Philippe Dornier, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Bonjour. Marie-Hélène Dor, bonjour. Bonjour. Plus de profs et moins d'élèves, voilà en chiffres comment on peut résumer cette rentrée. Pour une fois, est-ce que vous pensez avoir les moyens de travailler dans de bonnes conditions ? Oula, moi je crois surtout que cette rentrée, elle va être sous haute surveillance, parce que les moyens, comme vous dites, on ne les a pas vraiment. Ne serait-ce que vous dites plus de profs, hein. Mais sauf que il y a 336 postes vacants, donc 336 enseignants qui ne seront pas affectés quelque part. Voilà. Les chiffres que donne le rectorat, c'est 143 élèves de moins que l'an dernier, et puis 111 emplois attribués à l'académie, dont 100 postes d'enseignants. Ça suffit pas ? Ben non, puisque je vous le dis, hein, il en manque. Nous avons fait le point. Je peux même le détailler. Il en manque 300. C'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, je ne sais pas, je vais vous prendre au hasard les établissements de l'éducation prioritaire. Il manque en moyenne entre 5 et 7 enseignants à cette rentrée. Parce qu'à l'issue du mouvement de mutation, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu d'enseignants mutés sur ces postes. Il y a toujours des problèmes de mutation ? Alors, ce n'est pas tant des problèmes de mutation qui expliquent ce problème, c'est des problèmes de calibrage. Je sais, c'est technique, mais c'est assez simple à comprendre. C'est simplement que le ministère estime les besoins en deçà de la réalité et on le retrouve à la rentrée. Alors, on évoque toujours à chaque rentrée des problèmes de professeurs formés ici et qui doivent partir. D'autres profs qui arrivent de métropole, c'est encore le cas cette année. Alors par contre, il faut éviter de succomber à un discours qui tendrait à penser que l'Académie discrimine les Réunionnais. C'est pas le cas. Mais en fait, cette situation, elle est due justement à ce mauvais calibrage qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de postes ouverts au mouvement. Alors qu'en effet, il y a des collègues qui y postulent. 600 emplois de personnel créés depuis 2013 pour la refondation de l'école. C'est le rectorat là aussi qui donne ces chiffres. Vous reconnaissez des améliorations tout de même ? Pas vraiment, parce que vous dites ça, mais moi je vais prendre un chiffre plus global. Les promesses de campagne qui nous annonçaient 60 000 postes d'enseignants créés, on en est à 36 000 à quelques mois de la fin du quinquennat. Donc le compte n'y est pas du tout. Cette rentrée, elle est placée sous le signe de la sécurité, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, Marie Lender, après les attentats évidemment. Des mesures ont été annoncées fin juillet par le ministère de l'Éducation nationale, des mesures à mettre en place pour cette rentrée. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Alors changer, je ne sais pas, mais c'est vrai que depuis quelques temps, on entraîne nos élèves et les enseignants à se prémunir contre une éventuelle intrusion, etc., ce genre de choses. Donc c'est vrai que la sécurité, elle a toujours été primordiale, hein, il faut pas croire. Elle va être certainement renforcée, mais ce sont des mesures évidemment préventives, on ne peut pas aller au-delà de ça. Qu'est-ce que vous réclamez en priorité ? Qu'est-ce qu'on réclame en priorité sur l'ensemble des exercices par rapport à la sécurité ? Est-ce que vous réclamez des exercices attentat-intrusion, des aménagements pour, éviter les attroupements, par exemple, devant les établissements scolaires ? Oui, c'est ça, ce genre de choses. En effet, faire en sorte, au moins se donner les conditions pour éviter au maximum les intrusions, ce genre de choses. Mais au-delà, il faut être lucide. On n'arrivera pas à empêcher un acte terroriste si vraiment nous avons en face de nous des gens déterminés. Et quelle est la place, le rôle des personnels de l'éducation nationale dans ce dispositif ? Mais d'abord d'encadrer les élèves pour qu'ils aient les bons gestes, de les rassurer et voilà, de faire en sorte que leur sécurité ne soit jamais menacée. Est-ce que vous avez peur d'une certaine paranoïa ? C'est le risque, oui, effectivement. Mais je pense que, bon, pour avoir vu les entraînements et les exercices de simulation se faire, notamment dans mon établissement, je me rends compte que les élèves, finalement, se conforment bien aux préconisations, etc., et qu'ils ne manifestent pas une panique particulière. Comment ça se passe, ces exercices ? Ben, écoute, on nous entraîne simplement à faire face à une intrusion. On a des exercices qui nous expliquent comment il faut organiser le confinement des élèves, maintenir le silence, etc., pour faire semblant de faire croire qu'il n'y a personne, enfin voilà quoi, ce genre de choses. Et les élèves, comment ils réagissent à ces exercices ? Alors ce que j'ai vu moi, c'est qu'ils sont très sérieux, ils le font avec beaucoup de discipline, ils ont conscience que c'est important, donc oui, ça se passe plutôt bien. L'accent sera mis aussi sur le suivi des élèves radicalisés au niveau national. Est-ce que La Réunion est confrontée à ce phénomène, même de façon marginale ? Alors, dans mon expérience, j'ai pas vu spécialement. Je sais qu'après les attentats, on nous a à chaque fois demandé d'avoir un dialogue et un débat avec nos élèves, on s'aperçoit qu'ils sont ouverts à la discussion et qu'il n'y a pas, d'extrémisme dans leurs propos. Donc voilà, c'est plutôt rassurant. Comment réagir en cas de radicalisation d'un jeune en classe ? À part discuter, je ne vois pas. Hein. Je pense que le dialogue est la seule solution. Et les choses qui ont été organisées par le ministère après les attentats, ça a été important ? Les moments de discussion ont été importants, oui. Mais ça reposait entièrement sur les enseignants, pas sur le ministère. Un mot sur les travaux qui ne sont pas terminés dans plusieurs établissements, c'est du grand classique on va dire, rentrée retardée à vendredi à l'école Denis Salah et de Saint-Benoît par exemple, et même au 23 août, donc la semaine prochaine, dans les lycées Jean Inglot au Port et Évariste de Pargny à Saint-Paul, ça vous inquiète ? Bah, c'est embêtant, évidemment, ça aurait mérité d'être mieux programmé, maintenant bon, c'est une semaine, c'est quand même pas la fin du monde. La grande nouveauté de cette rentrée, c'est la réforme du collège. Vous l'avez combattue, cette réforme, à la FSU. Oui. Mais bon, elle va s'appliquer. Le temps de la contestation, il est terminé ? Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout, au contraire. Déjà, le 8 septembre, une nouvelle mobilisation est prévue. Sur cette réforme, un mot ou deux, moi je pense que, très sincèrement, la rentrée va être chaotique dans les collèges. Ça, c'est certain. À quoi ça sert, cette nouvelle mobilisation du 8 septembre, puisque la réforme s'applique ? Bah, à alerter une fois de plus et à être cohérent aussi avec les positions qu'on a prises. Parce que de toute façon, moi, je le prédis, je prédis que ça va être un chaos dans les collèges, véritablement. Sous quelle forme ? Je vois déjà que les préparations qui ont été faites dans les collèges, qui ont été imposées par l'administration, ont été assez consternantes de flou, d'imprécisions, d'interrogations en tout genre. S'y ajoute le fait que des enseignants qui ont été sollicités à un moment pour préparer ce qu'on appelle donc les EPI... Enseignements pratiques interdisciplinaires, c'est-à-dire un travail de groupe en quelque sorte. Eh bien, ça va se heurter à quelques réalités quand même, ne serait-ce que par exemple les mutations. Puisque les enseignants ont parfaitement le droit de quitter le collège où ils exercent, ce qui est le cas pour un certain nombre d'entre eux, du coup... C'est marginal ça quand même, non ? Pas forcément, mais de toute façon, ce que je retiens, moi, c'est que ça n'a jamais été anticipé, cette affaire-là. C'est-à-dire que les collègues, ils obtiennent leur mutation, du coup, ils sont de fait désengagés de ces projets-là, et donc la rentrée, on va voir comment elle va s'organiser. Et pourtant, on dit que ça va favoriser le travail de groupe, placer les connaissances dans un contexte plus large. C'est pas positif plutôt, ça, non ? Alors, placer les connaissances dans un contexte plus large, c'est ce qu'on fait quasiment tous les jours au quotidien. Il n'y a pas besoin de la réforme du collège pour ça. Alors, l'interdisciplinaire qui est présenté aussi comme la voie royale pour la réussite, alors là, moi, je demande à voir, parce que quand même, des expérimentations de cette nature, on en a déjà vu, elles n'ont jamais porté leurs fruits, jamais. Pour les enseignants, ça suppose de varier les pratiques. Est-ce que c'est si difficile que ça, finalement, de changer de méthode ? Mais non, on le fait tous les jours. Et je vous l'ai encore une fois, sans avoir besoin de la réforme du collège, un enseignant, quand il bâtit un cours, il le fait en réfléchissant à renouveler ses pratiques. Et on s'est adapté à beaucoup de choses. Je veux dire, on a eu le numérique qui s'est installé dans la pédagogie. Nous nous sommes adaptés. Nous avons exploité et utilisé. Enfin, je veux dire, les nouveautés, les innovations pédagogiques, c'est le fait de l'enseignant en permanence. Ce travail en petit groupe, il va représenter 20% de l'emploi du temps, soit 4 heures par semaine, fixées par chaque établissement. Cette marge de manœuvre, elle ne vous convient pas ? Mais non, parce qu'en fait, ce qu'on oublie souvent de voir, c'est que ces 20% vont être prélevés sur les enseignements obligatoires. C'est-à-dire que ce sera du moins des heures de cours en moins, au profit de quelque chose qui n'a pas démontré sa pertinence. Donc moi, je suis plus que réservée, évidemment, vous le savez, sur cette réforme. Alors, on a beaucoup parlé de la suppression des classes bilangues en 6e, mais au lieu d'enseigner une seconde langue vivante à quelques élèves, elle sera apprise finalement à tous les élèves de 5e. Qu'est-ce qui vous déplaît à ce niveau ? Mais d'abord, que pour financer ces 2 heures de LV2 uniquement, on a pris des heures sur les 3e et les 4e. Donc déjà là, il y a une baisse de ce à quoi les élèves ont droit. Et la pertinence de commencer la deuxième langue dès la 5e ne se démontre pas. Davantage d'accompagnement personnalisé dans les collèges, c'est ce qui est annoncé. C'était jusque-là facultatif en 6e. Là, ce sera généralisé avec 3 heures par semaine en 6e et au moins 1 heure dans les autres classes. Là aussi, c'est prélevé sur les horaires des enseignements. Donc là, il y a un problème. En plus, la forme... Enfin, on dit que ce sera en petit groupe, mais rien n'est garanti. Ça pourrait très bien se faire en classe entière, comme au lycée. Donc là aussi, beaucoup d'inquiétudes et en tout cas de scepticisme là-dessus. Ça n'a échappé à personne. Cette rentrée s'effectue un mercredi, c'est un symbole fort. À La Réunion, il se trouve que toutes les écoles passent au mercredi matin désormais. Oui. Quel bilan vous faites de ces rythmes scolaires ? Écoutez, le SNUPP-FSU avait dit dès le départ qu'il ne fallait pas se précipiter dans une réforme des rythmes qui soit faite de manière incohérente. Aujourd'hui, le choix uniforme du mercredi matin montre que l'élève a été purement et simplement oublié dans l'histoire. On sait tous que les élèves de primaire ont besoin d'une coupure le mercredi. Alors, d'autres considérations ont prévalu. Lesquelles ? On le sait tous. Les transports scolaires, le week-end qui doit être préservé, dit-on, pour les familles, etc. Mais enfin, bon, c'est le système scolaire dont on parle. C'est pas le système d'organisation des loisirs. D'organisation des loisirs, voilà. Et vous avez des craintes sur les résultats à long terme de ces élèves ? Des craintes, on en a, oui, à partir de cette réforme, oui, mais d'une manière beaucoup plus globale, effectivement. Les résultats des élèves à La Réunion nous inquiètent. Marie-Hélène Dor, merci d'avoir été l'invitée de Réunion Première ce matin. Bonne journée. À vous. La suite d'un grand matin, c'est à 7h30, le journal de Cécile Thomas. Mais d'ici là, Singila, retour de flamme sur Première. Bienvenue. Je reconnais qu'avant d'être avec toi, j'étais pas sérieux. Faire le con et m'éclater, pour moi, y'avait rien de mieux. Tu m'as reformaté, tu étais si précieuse à mes yeux. Jamais j'aurais risqué de recommencer mes jeux dangereux. C'est venu comme un retour de flamme, je me suis retrouvé. J'étais à fond mais sans état d'âme. Tu as joué, je n'ai rien capté. C'est revenu comme un retour de flamme. Je me suis retrouvé du mauvais côté. J'ai eu mal songé, je t'ai les armes. Je l'ai payé, ça fait méfier. Moi qui jouais les guerriers, dans le dos tu m'as fusillé. On m'avait dit de me méfier. On m'avait dit de me méfier. Moi qui jouais les guerriers, dans le dos tu m'as fusillé. Mon ardoise était pleine d'amour, aujourd'hui règle ses comptes. Mais comment ai-je pu être aussi naïf, j'ai tellement honte. Oh, c'est revenu comme un jour de flamme. J'ai trouvé du mauvais côté, j'étais à fond mais sans état d'âme. Tu as joué, je n'ai rien capté. C'est revenu comme un retour de flamme. J'ai trouvé du mauvais côté, j'ai eu mal songé. Je t'ai les armes, je l'ai payé. On m'avait dit de me méfier. Moi qui jouais les guerriers, dans le dos tu m'as fusillé. On m'avait dit de me méfier. On m'avait dit de me méfier. Moi qui jouais les guerriers, dans le dos tu m'as fusillé. Je n'ai rien capté. C'est revenu comme un retour de flamme. Je me suis retrouvé du mauvais côté. J'ai eu mal songé. Je t'ai des âmes, je l'ai payé. Dans le dos tu m'as fusillé. En tout cas, Agnan, vous écoutez Singila avec Retour de Flamme, c'est le dernier single. Exactement. Et un beau cadeau d'anniversaire prochainement pour Cécile Thomas, vu comment il est en train de danser sur ce titre. Oui. Vous aimez Cécile? Je me suis retrouvée du mauvais côté. Ah. Nouveau projet de Singila à venir. D'ici là, on va sur les routes avec Jean-Claude Machir qui nous attend à la Chaloupe Saint-Leu. Oui, Chaloupe Saint-Leu avec une circulation, vous vous en doutez, sur cette route Hubert de Lille relativement fluide dans les deux sens de circulation. Ce n'est pas le cas si vous êtes sur la route des Tamarins en provenance de la, cette route des Tamarins prenant direction de Saint-Denis. Circulation qui reste très dense aussi sur la chaussée royale dans les rampes de Plateau Caillou. Là aussi, nous connaissons une circulation assez difficile en direction de cette nationale, direction de la capitale. Beaucoup de monde sur le front de mer de Saint-Denis là aussi. Le pont Vincent, lui aussi, est rempli de moitié. La circulation s'est densifiée en provenance de l'est puisque nous sommes à la hauteur de Gilot et quelques petits ralentissements au niveau de la ravine des Chèvres, toujours en direction de Saint-Denis. Dans le sud, les rampes de Manapani, le giratoire de la Castine ainsi que le pont de la rivière d'Abord prennent en direction de Saint-Pierre se sont aussi remplis. Et au niveau de la ravine blanche, on a quelques petits ralentissements pour aller en direction du centre-ville de Saint-Pierre avec ces travaux qui, je le rappelle, se poursuivent sur le front de mer. Petite circulation assez difficile sur le boulevard Hubert de Lille et là, c'est du côté de Saint-Pierre. Soyez prudents et patients. Bonne route à vous. Merci beaucoup Jean-Claude. Il est 7h30 sur la première. Et le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Fini les vacances, retour en classe pour les enseignants aujourd'hui. En attendant la rentrée des élèves demain, avec comme nouveauté la réforme du collège qui entre en vigueur. Une réforme qui ne satisfait pas pleinement la FSU. Et pour être prêt pour cette rentrée, on se presse dans les magasins ou dans les braderies commerciales pour terminer les achats d'effets scolaires. Exemple notamment au tampon, succès pour la braderie cette année. Nous irons à Mayotte, comme à La Réunion et dans les autres îles de la zone, on craint la fièvre aphteuse, une maladie très contagieuse qui touche les cheptels de Maurice. Nous ferons le point sur les précautions prises dans l'île au parfum. Puis nous entendrons Marine Boyer, la jeune réunionnaise a terminé 4e à la poutre hier aux Jeux Olympiques de Rio. Et pour elle, c'est une belle performance. Elle voulait être classée dans les 5 premières. Mais avant de développer ces titres, cette mise en garde concernant les faux ongles, c'est un succès esthétique et commercial à voir le nombre de boutiques spécialisées qui ont ouvert ces dernières années. Mais l'Agence nationale de sécurité du médicament lance une alerte. Quelles que soient les techniques utilisées, les faux ongles mal posés peuvent abîmer les ongles naturels, parfois très sérieusement. Les explications de Daniel D'Ambreville. Dans le salon feutré, Julie, la manucure, est en plein travail. J'ai enlevé la partie brillante pour faire accrocher la matière. Au bout de sa lime, les doigts de Virginie, fidèle cliente depuis 9 ans. Les 3 semaines en général, un petit plaisir, être belle. Mais ce petit plaisir n'est pas sans risque pour les ongles. Le limage, le ponçage, les gels, les résines et les colles utilisées exigent des précautions de la part des professionnels. Désinfecter tout son matériel, les mains de la cliente, la lampe à UV. Il faut faire attention à ce que la cliente n'ait pas de champignons, qu'elle ne soit pas blessée, coupée, parce que ça peut faire des infections et puis il faut vraiment faire attention. C'est aussi la mise en garde de l'agent nationale du médicament, les faux ongles mal posés peuvent entraîner une allergie, une inflammation, une infection, une chute de l'ongle naturel. Ces désagréments sont rares, mais ils existent. Kelly Bagny est dermatologue. Quelle que soit la technique, il y aura toujours un geste agressif sur l'ongle, donc un risque d'atteindre la matrice, fragilisation de l'ongle. Pour éviter les complications, la dermatologue conseille de porter très ponctuellement les faux ongles, voire dans certains cas de s'en passer. Il ne faut pas le faire quand on a moins de 16 ans, parce que l'ongle n'a pas atteint sa maturité, et d'éviter en cas de grossesse, parce qu'on ne connaît pas tous les risques toxiques des différents produits utilisés. Dernière recommandation du médecin, la pose et la dépose des faux ongles doit être faite par un professionnel formé, esthéticien ou prothésiste ongulaire. Un reportage de Daniel D'Ambreville. La rentrée des classes, c'est aujourd'hui pour les enseignants, demain mercredi pour les élèves. 16 000 professeurs vont reprendre le chemin de leur établissement ce matin. Cette année sera marquée par l'entrée en application de la réforme du collège. Une réforme qui n'est pas du goût de certains syndicats. Jérôme Etève est le secrétaire du syndicat FO des lycées et collèges. À La Réunion, je pense qu'il y a un effort qui a été fait cette année, très certainement, pour limiter la casse. On le voit par exemple sur les classes bilingues en sixième, n'ont été supprimées qu'une partie de celles qui auraient dû être supprimées, d'ailleurs de l'aveu même du précédent recteur, qui avait bien dit qu'il avait fait son maximum pour essayer de maintenir avec les moyens qu'il avait. Jusqu'à cette année, il y avait pratiquement une classe bilingue par collège. De mémoire, il y avait 4 collèges dans l'académie qui n'avaient pas de classe bilingue. Avec la réforme, il en reste environ 1 par commune. Ça a été une volonté du rectorat. Dans un souci d'égalité, comme ils disent, ils en ont mis un par commune. Le problème, c'est que vous n'avez pas de possibilité de dérogation à l'intérieur des communes, ce qui fait que tout ça est arbitraire. Si c'est ça, la lutte contre l'élitisme, moi j'appelle ça aller dans le sens contraire. Jérôme Etève, le secrétaire du syndicat FO des lycées et collèges, joint par Johanna Damat d'Horacy. La ville du Tampon a vécu ces derniers jours au rythme de sa braderie commerciale. Objectif de l'association des commerçants, que les habitants consomment local. Une étude a en effet mis en avant que la moitié des Tamponnais allaient plutôt à Saint-Pierre pour effectuer les achats de rentrée scolaire. Paris gagné pour les commerçants. C'est juste pour faire un petit tour, pour voir un peu les choses, quoi. Pour la rentrée, tout est prêt. C'est une petite occasion, ben, on regarde. On prend quand même, on achète. C'est une très bonne chose. Les prix sont attractifs, oui, c'est bien. Il y a pour toutes les bourses. On va facilement vers Saint-Pierre, ben, ça dépend ce qu'il y a. Parce que si on trouve au tampon, on reste au tampon. Ah oui, vu le climat, c'est mieux. Juste pour visiter, pour regarder s'il n'y a pas des petits trucs pour la rentrée aussi. Avant la rentrée, oui, c'est pratique pour les parents. Parce que même sur Saint-Paul, je vois que c'est un peu cher par rapport à ici. Là, ça va. Là, les prix sont abordables. Des propos recueillis par Pierre Comorassami. Dans l'actualité également, beaucoup moins de fidèles cette année à la messe de l'Assomption à Piton-Sainte-Rose. Le grand rendez-vous en plein air était placé sous haute sécurité hier. On attendait plus de 10 000 personnes. Elles étaient autour de 7 000 pour suivre la messe célébrée par l'évêque Gilbert Aubry. Autre temps fort de cette journée du 15 août, l'hommage rendu aux pêcheurs disparus en mer à la Possession. Une centaine de personnes s'est recueillie à cette occasion. Dans la zone, on s'inquiète des possibles contaminations des cheptels par la fièvre aphteuse. Une épidémie sévit à l'île Maurice et à Rodrigue en ce moment. Le risque de contamination est très élevé, entre 7 et 8 sur une échelle de 10. La Réunion a pris la mesure de la menace. Qu'en est-il pour Mayotte ? Élément de réponse avec Siti Daroussi. Mayotte est concernée de la même façon que beaucoup de pays riverains, mais notre île le serait moins comparé à la Réunion qui, elle, a une liaison aérienne directe avec Rodrigue et Maurice. Jean-Michel Bergès, directeur de la DAF Mayotte. La fièvre aphteuse qui vient d'être déclarée à Rodrigue et Maurice existe aussi à Madagascar et existe aussi dans tous les pays de l'Afrique de l'Est. Donc en gros, on a des mesures qui sont les mesures traditionnelles. Comme l'interdiction entre autres d'importer de la viande, toute importation reste soumise à des autorisations. La fièvre fièvre aphteuse, maladie virale qui touche les ruminants, les bovins, les porcs. En général, elles produisent moins de lait, elles peuvent moins marcher. Quand cette maladie arrive, la seule façon de s'en débarrasser, c'est d'éliminer les animaux. Actuellement, je sais qu'à Rodrigue et Maurice, ils sont en train d'éliminer les animaux autour des foyers. Mais si jamais des cas devaient être déclarés sur des exploitations, un plan de lutte de type hors-sec serait alors enclenché. Jean-Michel Bergès, directeur de la DAF Mayotte. On fait des exercices pour savoir ce qu'il faudrait mettre en place avec les forces de police, les pompiers, l'élimination des animaux. Donc il y a des exercices qui vont avoir lieu en septembre, mais qui étaient déjà prévus. Pour l'heure, rien à signaler. Les autorités se préoccupent en plus de ce qui est importé de la grande île, que ce soit de manière légale ou clandestine. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. Du sport avec Marine Boyer qui rêvait simplement d'une finale olympique et elle est passée tout près d'une médaille qualifiée pour la finale de la poutre. Hier soir, la Réunionnaise a terminé quatrième derrière trois grands noms de la gymnastique mondiale. C'était sous les yeux de ses parents, venus à Rio pour la supporter. Peut-être le début d'une grande aventure, le reportage de Martin Baumer, l'un de nos envoyés spéciaux au Brésil. Dans les gradins de la Rio Olympique Arena, Alain et Roland Boyer, les parents de Marine, sont placés juste en face de la poutre sur laquelle leur fille s'apprête, à tout juste 16 ans, à disputer sa première finale olympique. Stressée, mais pas inquiet pour elle. Elle sait quoi faire, même quel que soit le résultat, même si la chute, je suis toujours derrière. Malgré de petites fautes, Marine Boyer déroule ses mouvements avec réussite, se classant finalement au pied du podium. Petite frustration pour sa maman. Une petite déception tout à l'heure, c'est vrai, à l'annonce du podium. Terminer la quatrième place, c'est la mauvaise place. C'est un rêve qui est devenu réalité. Elle fait partie des quatre meilleures au monde. Il va falloir le digérer aussi, ça. Ça fait toujours un soutien en plus, hein. Je sais qu'ils seront toujours là pour moi et je leur en remercie. Heureuse d'avoir réalisé son rêve devant ses parents, la jeune réunionnaise affichait un grand sourire à la sortie de sa finale. J'espérais faire une finale et arriver quatrième, c'est génial. Je me suis fait plaisir et déjà juste de réussir mon mouvement, je suis contente. Parce que le stress, il était là et voilà. La suite, pour elle, un peu de vacances, bien méritées, avant de se remettre au travail avec, en ligne de mire, Tokyo 2020. Et bravo pour cette belle performance. Et puis, vous l'aviez peut-être rencontré à la Réunion lors de ses séances d'entraînement. Renaud Lavillenie perd son titre olympique, médaille d'argent au concours de saut à la perche. Concours remporté par le Brésilien Thiago Braz avec un saut à 6,03 m. C'est un record olympique. Le Français a placé 5,98 m pour prendre la deuxième place du concours. On en parlait ce matin. C'est raté. Renaud Lavillenie qui semblait abattu. Il quel faut dommage. Qu'il revienne s'entraîner ici. Alors, on avait une jeune fille ravie avec une quatrième place et puis un champion. Ouais. Avec une deuxième place, il est déçu. C'est une belle médaille d'argent quand même pour l'équipe de France. Surtout qu'on s'en est fait enlever une hier. Notamment. Ah là là, les polémiques. Aïe. Dans un instant, on prendra des nouvelles du trafic, mais d'abord un point météo. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Et Mickaël, 20 degrés en moyenne sur le littoral au lever du jour. Oui, c'est beaucoup plus frais par contre dans l'intérieur de l'île. On l'a dit, il y a 8 degrés à peine à la plaine des Cafres, 13 au Tampon et 5 au Volcan. Alors le soleil, lui, a un peu plus de mal à percer sur la côte est, un peu comme hier. Les nuages sont bien présents entre Sainte-Suzanne et Saint-Philippe, mais les éclaircies devraient revenir alors que partout ailleurs, le soleil s'est imposé dès les premières heures, premières minutes du jour, puisque le soleil s'est levé il y a moins d'une heure. Les températures vont forcément monter avec ce soleil, notamment sur les plages, avec 26 degrés attendus cet après-midi, 24 dans le nord et dans le sud, et il fera une vingtaine de degrés au Tampon cet après-midi. Élément marquant encore aujourd'hui, le vent sur le nord et le sud, 70 km/h, ça va encore souffler, et puis la houle qui sera présente aussi dans l'est et le sud. Donc soyez prudents aux abords du littoral, et surtout si vous prenez la mer. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Et comment ça circule à cette heure-ci, Jean-Claude Machin? Vous êtes sur la route Hubert de Lille. Oui, route Hubert de Lille, du côté de Cap Camélia précisément, avec beaucoup de monde sur cette route du littoral. Nous sommes au PR10, soit 2 km après la possession en direction de Saint-Denis, avec quelques zones roulantes en direction du radar, mais ça reste très dense pour vous qui venez de l'ouest. Alors, du côté de Plateau Caillou, c'est là que commencent aussi les premiers ralentissements si vous êtes sur la route des Tamarins. Et en provenance de Plateau Caillou, là, c'est circulation très dense. Il en est de même à l'entrée ouest de Saint-Denis. Ça bloque au niveau de la caserne Lambert. Je rappelle que le pont de la Délivrance est toujours fermé et interdit à la circulation. Et cela provoque de gros ralentissements dans ce secteur. En provenance de l'est, nous avons aussi des ralentissements au niveau de Gillot, le radar du Chaudron, sur le boulevard sud, dans les deux sens de circulation. Et ça coince dans les tranchées couvertes, que ce soit tube côté montagne ou côté mer. Dans l'est, circulation qui reste, elle aussi, très dense en provenance du giratoire de la Plaine et de Bracalotte pour aller vers Saint-André. Il faudra s'armer de patience, car le sud n'est pas un reste. On a aussi quelques petits ralentissements sous le front de mer de Saint-Pierre, boulevard Hubert de Lille, ainsi qu'au niveau du giratoire de la Caffrine. Prudence, bonne route à vous. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et quand on voit l'état du trafic en ce moment, on se dit que demain, allez, et allez. Jeudi... On va pas y penser tout de suite, Isa. Voilà. Hein, on sera là hein, pour faire des points réguliers tous les quarts d'heure. Vous plus ou moins en vacances. Oui. Encore plus ou moins en vacances. Bon, voilà. Les mauvaises nouvelles arrivent hein, minute par minute là, de Rio. Hein, les bleus éliminés du tournoi olympique en volée, cette fois-ci par le Brésil. Oui. En même temps, c'est le pays organisateur. Les JO à suivre de 21h30 à 7h du matin sur Réunion Première en télévision. On salue Daniel qui est avec nous. Beau soleil sur Petite-Île et dans le sud sauvage. Bonjour à Jean-Claude Machi. Salut Isa et Mika, quelle pêche. Coucou. Ça booste ma journée, merci. C'est France de Sainte-Clotilde. Eh bien, on est là encore jusqu'à 8h. Ensuite, ça sera Jackie. Exactement. Qui prendra la main. Mm-hmm. Et n'oubliez pas vos photos de petit déjeuner. Et oui, dans un instant, il y aura le grand gagnant qui va repartir avec ses invitations pour aller au cinéma. Qui va participer au tirage au sort pour sa nuit d'hôtel vendredi? Alors, dans un instant. Continue à faire des photos insolites. Oui. Des photos insolites, comme ça, et les mettre sur la page Facebook de Grand Matin. Peut-être pour vous, des cadeaux. Il ne vous reste plus que une poignée de minutes. Voici Dipanda. Dans tes yeux, j'ai vu le désespoir. Viens, donne-moi ta main. Moi, ton ami, je serai là. Où va mon ventre plein? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, viens dans mon espace. Adine-nous sera plus fort, plus fort, oui, plus fort. Mon boussole sera ton boussole, mon épaule sera ton épaule. Sac boussé n'a gagné, n'a pas ta zandé. T'en as pour gagner, nous tous va gagner. Ôté, ôté, ôté. L'humain est fait pour commettre des torts. Ôté, ôté, ôté. Chaque nuit ou à midi à sa porte. Ôté, ôté. Choisis qui ça ou fait mon tabord. Fille qui échange comme mes accords. Fille qui échange comme mes accords. Tu avais faim et moi je t'ai nourri. On appelle ça la famine. Tu avais soif et dans mon verre tu as bu. J'y ai cru. En ta sincérité, mensonge était lié. Dès que t'as eu une balle sur ton frère tu as tiré. Très mauvaise idée. Friend, amigo, poto dano. À la vie, à la mort, m'oublie pas le trahison. Coup de patte, la vie, camaraderie. Fan tout de suite. D'un coq, mon bon pays prend la fuite. Dipanda qui a fait une très belle tournée en métropole et qui revient à la Réunion avec ce single à deux. Sur première dans Grand Matin, la suite avec le zapping de Jackie Revel, toujours si haut en couleur. Hein. Et tu sais quoi? Et riche en événements. Tu sais quoi? Oui. On est dedans. Ah bon? Dans zapping. Ah bah, ça m'aurait étonné. Ah bah tiens. Juste avant, ça sera le journal des JO. Une journée de JO qui s'est terminée à Rio. Eh bien, le journal pour vous, pour en savoir un peu plus et surtout, savoir ce que vous avez raté. A tout de suite. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Allez, on file à Rio de Janeiro. Les Jeux Olympiques, hein, ça se poursuit jusqu'au 21 août. La journée des Jeux. Julie Stravoni. Bonjour à tous. La Benjamine des ultramarins au JO en aura surpris plus d'un. À 16 ans, Marine Boyer rêvait de finale, mais elle a fait mieux en terminant quatrième de la poutre ce lundi. La bénédictine a fait une belle prestation sans s'ajouter trop de pression. En clair, Marine Boyer a géré le mental auprès des meilleurs mondiales et obtient une note de 14-600 qui l'a satisfait. Ça va, je suis contente de ce que j'ai fait, je suis contente de mon mouvement. J'ai donné le meilleur de moi et voilà. J'ai fait quelques petites erreurs, mais bon... Ça va. Je me suis fait plaisir et déjà juste de réussir mon mouvement, je suis contente. Parce que le stress, il était là et voilà. J'espérais faire une finale et arriver quatrième, c'est génial. Je vais travailler à fond pour Tokyo 2020. Marine Boyer avec Martin Baumer, rendez-vous est pris. Dernier tour de chauffe lundi pour les experts avant l'entrée dans les phases finales prévues pour mercredi. Les handballeurs ont battu le Danemark d'une courte tête, 33-30, mais le demi-centre réunionnais Daniel Narciste reste optimiste. Je crois que l'équipe a montré beaucoup de caractère aujourd'hui. Tout le monde a été plutôt présent. On a retrouvé de l'agressivité défensive par moment, l'efficacité en attaque. Donc voilà, je crois que... même si la victoire compte peu pour la suite de la compétition, c'est toujours bien de travailler et se préparer pour un match de quart de finale en cherchant la victoire comme aujourd'hui. Et on retrouvera les handballeurs mercredi en quart de finale face au Brésil. Ça promet en termes d'ambiance. Athlétisme, la pluie a quelque peu retardé les qualifications du 110 mètres haies au JO de Rio lundi soir. Dimitri Bascou, 13 ans, jambes, a terminé 3e en général en 13 secondes 31. Mais stupeur lors de la 4e série quand Willem Belossian a fait un faux départ. Éliminé d'office, le Guadeloupéen est sorti de la piste en larmes. Son aîné, Dimitri Bascou, le Martiniquais, s'est exprimé sur cette déception au micro de Martin Baumer. Ouais, j'ai vu. Ben ouais, ça m'emmerde pour lui parce que voilà, c'était ses premiers jeux et puis voilà, à sa place, voilà, de pas pouvoir s'être exprimé dans ces championnats, je pense que voilà, il faudra lui dire les bons mots et il faut pas que ça soit une fin en soi dans sa tête et que voilà, il est jeune et il continuera à se faire plaisir dans les prochaines compétitions à venir. Pascal Martineau-Lagarde, l'autre Français, s'est également qualifié pour la demi-finale du 110 mètres haies prévue ce mardi dès 20h45, heure du Brésil. Quant à la Martiniquaise Farah Anacarsis, avec un temps de 56 secondes 64, elle n'ira pas en demi du 400 mètres haies. Et puis, mardi, c'est le grand jour pour Cindy Billot. La Réunionnaise sera alignée sur le 100 mètres haies pour ses premières Olympiades. Elle est revenue sur les semaines qui ont précédé son arrivée à Rio avec Johnny Lérivain. On avait un programme tout installé avant le stage préparatoire avant Sao Paulo. Malheureusement pour moi, je me suis blessée. Du coup, je suis retardée dans ma préparation. J'ai dû complètement arrêter pendant 15 jours à rien faire. J'ai repris que cette semaine. Donc je vous avoue que pour moi, étant toujours blessée, on ne sait pas trop où ça va mener. Maintenant, je ferai tout derrière les starts, je vais tout faire. Si ça pète pendant la course, ça pètera, tant pis. Si ça pète pas et que ça m'emmène plus loin, je prendrai tout ce qu'il y aura à prendre. Rendez-vous ce mardi également pour la finale de la compétition de Nacra 17. C'est de la voile. Le Polynésien Billy Besson, auteur d'une formidable remontée dans le classement général, malgré une hernie discale très handicapante, sera de la partie. Rendez-vous sur le site de la première pour revivre ces moments. Bonne journée. On aime bien la musique, nous, de Rio. On y retournera demain, 7h45, le journal des JO. D'ici là, que s'est-il passé ces dernières heures sur cette radio ? Le meilleur, Jackie Revelle. Le pire, le zapping. Vous avez à cœur de faire plaisir. Vous chouillez et chouchoutez. Alors ça s'appelle le chouchou lisse. Non, chouchou pomme. Un conseil pour éplucher les chouchous, parce que ça, c'est pas évident, hein. Ben oui, mais là c'est évident parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de plume, poil. Il n'y a pas de plume dessus. Le journal revient ce matin sur le coq qui rôde. Souvenez-vous de ce mystère de l'homme à la tête de coq. Le coq, c'est la même, hein. Mais il n'était pas mondial, le coq. Hein. C'était un vrai bouc, vraiment, c'était un homme coq. Un petit maman, il a mal looké. Mon papa l'a même, il a mal looké. Après, son fils avait une tête cochon. Et son fils avait une tête cochon, t'as pas eu. La femme avait une tête cochon. Ouais. Oui, hello. Ah, hello. Mais oui, bonjour, bonjour. Ok, mais vous n'avez rien bouffé. Comment on y peut expliquer encore à la Réunion que nous avons tous de miel importé, que le Réunionnais apprend le miel importé au marché forain, que vous avez prendre le miel à la Réunion. Nous en a sous la main ici, nous a le goût, la qualité, et bien utilisé chez nous. Viens, viens au bon de la là. Ça, miel vert, vous goûtez ou pas? Jamais goûté, ça y est. Alors. Et avec le rappel, le bar à choix qui sera fermé à partir de 14h et réouverture prévue à 19h. Merci beaucoup Jean-Claude Machir. Ouais. Trop fort. Oh là là, vous êtes têtu, je vous dis non. Si. Ah, ma queen. Un poil trafiqué quand même ce zapping. Ah voilà. Oui, parce que Jean-Claude Machir, il ne s'est pas transformé en Dark Vador. Je ne suis pas sûr que ça lui fasse plaisir, hein, Jean-Claude Machir. On demandera tout à l'heure. Jackie, c'est pas bien. Avant 8h. Jackie, qui sera au rendez-vous dans quelques minutes. Il nous parlera de sa nouvelle émission, La Colle Jacques. Exactement, La Colle Jacques. Il sera en compagnie, Jackie, aujourd'hui, d'Hervé Bénard, qui est meunier. Il vous dira qui? La farine. Ok, bah, voilà. Il vous en dira un peu plus tout à l'heure. Juste avant 8h, qui a gagné au jeu aujourd'hui, le jeu, le défi? Oui. Le défi qu'on vous avait lancé depuis ce matin, 5h. Le jeu petit déjeuner. Ouais, de faire une photo de votre petit déjeuner, insolite. Voilà. On va commencer par mettre les miennes. Vous voyez sur Facebook, il y a un tasse vert avec un pauvre petit dosette café, un pauvre petit sachet de thé. Tasse vert avec un pauvre petit dosette café, un pauvre petit sachet de thé. Et heureusement, vous avez fait quand même un pain chocolat, un petit yaourt et un bon café. Pas mal déjà. Béa a mis en scène son bébé qui a pris le petit-déj aussi ce matin. Voilà. Dari, lui, a mis en scène son petit-déjeuner tout simplement. Deux tranches de ananas avec un petit chocolat chaud, me semble-t-il, et un petit yaourt coco. Mais voilà. Le mieux ce matin, c'était Yannick. Ah oui. Yannick, qui, on n'a toujours pas compris hein, pourquoi le pain en chocolat et les firalgos à côté. Mais il te l'a expliqué. Bon. Pour une journée explosive. Explosive, oui, voilà. C'est ça. Voilà. Oui. Comme ça, sans mal de tête, il est prêt, il est motivé, il est paré pour la journée. Bon, attention, hein, consommer avec modération le paracétamol. Hein, c'est pas bon tous les matins. Faut quand même se le dire. C'est Yannick qui l'emporte aujourd'hui. Exactement, il repart donc avec ses invitations pour aller au cinéma. Pour aller voir Suicide Squad. Voilà, des invitations qui seront... Obscur. Eh bien... disponible. Voilà, dans les salles du réseau Moré Film, d'accord, que ce soit le Ciné Cambet de Saint-Paul, le Lacasse de Saint-Denis ou encore le Plaza de Saint-Louis. Mais mais c'est pas fini. C'est pas fini. Alors Yannick, vous me direz ben pourquoi on l'a pas au bout du fil? Ben parce qu'il travaille en ce moment. Ben oui. Voilà, et c'est normal à cette heure-ci. Donc on le comprend, on l'excuse et c'est pas tout. Double invitation pour le cinéma, ça c'est le premier ça, cadeau. Ça c'est sûr, ça c'est fait. Mais le deuxième cadeau peut-être pour lui avant la fin de semaine, puisque il y aura un tirage au sort, peut-être une nuit d'hôtel. Exactement. En chambre double. Mais ça signifie que Nénès, que Dari, tout ça, eux aussi participent au tirage au sort. Ah oui, c'est la deuxième bonne nouvelle. Ah, oui, c'est que bien, on rajoute tout le monde dans ce tirage au sort. Tous ceux qui ont joué leur petite photo de déjeuner. Donc voilà, donc ça c'est cool. Ça c'est chouette quand même. Bon, il n'y a plus rien à dire après ça. Bah non. Hein. On peut dire qu'il faut continuer. Ah bah oui, continuer. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, on va écouter Allo et Black. Ah bah ça me va bien, dis donc. La reprise de Wake Me Up. Ça me va bien aussi. Wake Me Up d'Avicii. Oui. Avicii, DJ suédois, qui va pouvoir arrêter sa carrière à 23 ans tellement il a de l'argent. Pas vrai. C'est impressionnant quand même. Sérieux ? Ouais. Oh là là. Ah oui, il y en a qui ont de la chance. Bon, c'est comme ça. 23 ans, la retraite. Pendant ce temps-là, travaillez bien, vous. Hein. Bonne journée à vous. Vous êtes dans Grand Matin jusqu'à 8h. Dans un instant, Jackie Revelle pour La Colle Jacques. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. get the chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. But life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I... Allo et Black avec Wake Me Up, reprise d'Avicii. Alors j'avais dit 23 ans, 26 ans, enfin bon... À 3 ans près. Ah, c'est pas pareil. Arrêter sa carrière à 26 ans. Il reste 3 ans pour vivre. Non, ah, j'imagine ça où. Enfin, et 26 ans arrêter de travailler, Jackie. C'est pas mal quand même. Ah oui, vous bien, bien profiter après, mais sinon, vaut mieux profiter un peu avant aussi. C'est vrai. Jackie arrive dans un instant, 8h, 10h, la colle Jacques, Jackie, c'est encore la deuxième. Dans la colle. Ça m'a même. Salut Isabelle, salut Michael, salut Florian, salut pour le journal. Salut tout le monde, et à Vébénard, il est meunier. Ouais. Tu dors ton moulin. Ton moulin, réponds. Et non, Lidan, pas Lidan avec nous ce matin, il parle à nous d'une farine artisanale de lentilles, radioménage, sketch humoristique, mettant en scène plusieurs couples avec aujourd'hui le retour de Carpaï et Gougoute au comptoir de la boutique Roland. Nous parlerons de l'expression. Mais où est passé ton nez? Où est passé ton nez? Et aussi, il y aura comme astuce également comment se déboucher le nez de façon naturelle. Et légende urbaine, la légende de l'autoroute à Saint-Benoît. Et parce que ça, c'est une vraie important, question. Ouais. Comment se déboucher le nez de façon naturelle? Jean-Claude Machir, avez-vous le nez bouché, vous? Jean-Claude. Non, Jean-Claude, c'est à vous. Ça ne gougoute pas non plus. Mais j'attendrai les conseils avec impatience. En tout cas, côté circulation, ça reste essentiel sur la route du littoral. Nous sommes pratiquement à l'entrée ouest, au niveau de la ravine La Fleur pour aller vers Saint-Denis. Beaucoup de monde sur cette route du littoral. Il en est de même à Saint-Denis. Ça coince énormément au niveau de la caserne de Lambert, surtout en direction de la redoute avec ce pont de la délivrance qui est toujours fermé, qui sera réouvert à partir de demain 6h. Mais il y aura malgré tout des complications. Il nous faut un point plus complet lorsque nous serons à la hauteur de ce pont demain. En tout cas, sur la circulation, ça reste très dense en provenance de l'est. En provenance de l'ouest, dans le sud, il en est de même giratoire de la Caffrine en direction du pont de la rivière d'abord pour aller vers Saint-Pierre. Et du côté du tampon, on a un petit ralentissement au niveau du Mont Caprice pour aller sur la Ravine Blanche. Alors soyez passés imprudents si vous êtes dans ces ralentissements et bonne route à vous. Jean-Claude Machir pour Réunion.